Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Et salut à tous. Ah ouais, on a trademarké ça. Ouais, ça y est, bah, évidemment, on a le droit de faire un bail quand même. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Borderlands 2. On va revenir eh bien, sur les origines de la licence. On va revenir aussi sur sa formule. Pourquoi ça marche ce truc-là? Pourquoi ça fonctionne bien? Et puis, on s'intéressera aussi un petit peu au destin qu'a eu la série par la suite, et on verra que c'est un looter-shooter finalement pas comme les autres. Ou est-ce que c'est les autres qui ne sont pas comme Borderlands? Restez jusqu'au bout pour avoir toutes ces réponses. Mais avant ça, on va remercier notre sponsor, le PlayStation Plus. Je le rappelle, le PlayStation Plus, c'est cet abonnement qui vous permet d'accéder à différentes ludothèques en fonction du palier que vous choisissez. Il y a le palier Essential, le palier Extra et puis le palier Premium. Aujourd'hui, on peut vous dire que dans le catalogue Extra, il y a des trucs sympas qui sont arrivés. Oui, il y a DMC5, vous connaissez peut-être, on a fait un épisode dessus. Devil May Cry 5. V. Hey, merci. C'est vrai que c'était cool, Devil May Cry 5. C'est très bien. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y jouer, et ben là, voilà. Profitez du PlayStation Extra. Moi, c'était mon premier, et puis voilà, c'était très bien. Il y a Life is Strange Before the Storm, et il y a Back 4 Blood, qui peut rappeler. Il y a des parallèle à faire avec Borderlands 2, mais justement, c'est l'effort Dead Like, mais justement, ils ont amené un peu de, pas du loot, mais de la personnification des stats, des trucs, voilà, moi, petite personne, j'ai pas trouvé que ça marchait très moderne, bien. Jeux vidéo modernes, jauge, action RPG. C'est ça, deck building. Et deck building, c'est vrai qu'il y avait un côté deck building. Ça ne marchait pas. Et puis dans le premium aussi, puisque c'est la période en ce moment, The Last of Us, qu'est-ce qu'il y a sur le premium? Et ben, du coup, ils ont rajouté dans l'abonnement premium, donc vous avez la possibilité, vous savez, de tester des jeux pendant un certain temps. Il y a Cyberpunk, il y a Plague Tale Requiem, et vous avez du coup maintenant The Last of Us Part 1. Vous pouvez jouer aux deux premières heures du jeu, donc voilà, en speedrun, vous pouvez le finir. Non, je suis pas sûr. Le jeu de la série. Le jeu de la série. Non, de la série événement. Voilà. Ah, ça devient compliqué. Tu sais, ils avaient fait ça avec Ratchet & Clank, le film, là. Ils avaient fait le jeu du film de je sais pas quoi. Bref, The Last of Us Part 1, mais en fait, c'est le remake de The Last of Us avec le visuel de The Last of Us Part 2. Voilà, c'est cool et ça arrive bientôt sur PC au passage également. Merci au PlayStation Plus de sponsoriser Fin du Game. On va pouvoir y aller sur Borderlands 2 après une musique pop and folk encore, hein. Non, rock and pop ou rock and folk. Je sais pas, moi je blues un peu pour l'intro. La radio pop. Et on a choisi qui a choisi les musiques? Oui, moi j'ai mis les musiques. Il y en a une qui est celle. Alors ça a l'air d'être du blues. Je pense que c'est une musique qui sera peut-être copyrightée sur YouTube, on verra. Mais une musique un peu blues qui est dans l'intro en fait du jeu, hein, littéralement. Très bien. Et ben on se retrouve juste après ça. Cool. Alors, Borderlands 2, c'est sorti le 18 septembre 2012. Voilà, merci pour le coup de vieux. Je vous envoie ça, c'était il y a plus de 10 ans. C'est sorti sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. Et puis, depuis, c'est ressorti vraiment sur à peu près toutes les plateformes à travers des remasters et des collections. Voilà, Borderlands est dispo partout. C'est développé par Gearbox, c'est édité par 2K Games. Et on va justement revenir un petit peu sur le destin, sur le Gearbox. Quel est ce studio ? Studio qui est donc fondé en 1999. Eh oui, ça va. Non, ça va, ouais. Est-ce qu'on arrête la voix du vieux en 2023 ? Non, on va la. Faut qu'on l'appelle de temps en temps. Ouais, mais pas trop souvent. Je suis d'accord. Donc c'est effectivement un studio qui est fondé par 5 développeurs et notamment un certain Randy Pitchford qui encore aujourd'hui est vraiment la figure un petit peu de proue et le porte-parole de ce studio-là. C'est un personnage haut en couleur. C'est écrit comme c'est ça sur le conducteur. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur ses frasques, notamment. Il avait travaillé en fait chez. J'ai oublié le nom du studio, c'est dommage. C'est pas 3D Realms Si, c'est à 3D Realms, du coup, qui avait bossé sur Duke Nukem 3D. C'est d'ailleurs à cause de lui et en partie que Duke Nukem Forever sera la catastrophe que l'on connaît. Mais en fait, ils ont commencé à bosser, comme pas mal de studios à l'époque, sur le moteur source et notamment sur Half-Life et donc sur des mods de Half-Life. Alors, ça, c'est plutôt. C'est des extensions officielles, pas des mods. Opposing Force et Blue Shift, du coup, qui sont les deux extensions de Half-Life. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah oui, ça date un petit peu. Et ils vont aussi s'occuper des portages console. Mmh. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui rentrera un petit peu dans l'ADN du studio, dans leur savoir-faire. Ils seront connus pour ça. Et il y a Microsoft qui va les contacter pour faire l'inverse avec Halo. C'est eux qui vont s'occuper en fait du portage PC du premier Halo. Et c'est notamment là qu'ils vont un petit peu s'apprivoiser avec cette licence qui sera quand même importante dans la philosophie que sera celle de Borderlands. Ils vont commencer à développer leur propre série de FPS qui s'appelle les Brothers in Arms. Ce sera édité par Ubisoft. Le premier sort en 2005, il y en a eu 3. Et puis il y a aussi eu des spin-offs sur Wii et DS comme il y en avait toujours à l'époque. C'était pas bien. Écoute, je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Non, je te le dis, à l'époque, c'était l'époque où j'étais encore en magasin et on voyait les jeux passer. On était sur du FPS historique. C'était la grande période. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette petite série là qui s'appelait Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield, évidemment, tout ça. Et donc, tout le monde voulait avoir son FPS historique. Et là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on n'a pas encore pris comme expression très militaire, Brother in Arms. C'était leur délire. C'était pas incroyable non plus. Mais à partir de 2005, du coup, ils se mettent à plancher sur une toute autre série qui deviendra Borderlands. Exactement, c'est vraiment en 2005 qu'ils commencent à fomenter ça un petit peu en interne. L'idée, elle est assez simple. Randy Pitchford, il le replace comme ça. C'était Halo, donc c'est pour ça qu'ils avaient travaillé sur Halo, qui rencontre Diablo. Diablo, petite série de Blizzard, le loot, tout ça. On vous renvoie à notre épisode sur Diablo 3 et puis en extension au bouquin de Monsieur Exerve. Vous pouvez trouver ça chez Third Edition. Et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler de Diablo. Oui, forcément, vu comment ça infuse dans le jeu. Mais vous voyez, cette idée-là de prendre deux types de jeux et de les mélanger, on voit que c'est une des grosses tendances en fait du début des années 2000, quand on cherchait un petit peu à renouveler les genres, à modifier des trucs avec la HD, etc. Et le côté Halo meets Diablo, c'est assez drôle parce que 20 ans plus tard, tu vois, c'est d'une évidence. Je me souviens de votre vidéo sur le loot là chez Game Next Door, une excellente chaîne YouTube que je vous recommande. Que les gens autour de la table. Il n'y a vraiment personne, aucune autre recommandation. C'est très consanguin comme podcast. Mais bref, vous en aviez bien parlé de cette évolution, tu vois, je sais plus comment vous appelez ça, l'épidémie ou un truc du genre. Mais à l'époque, c'était pas si évident. Et d'ailleurs, il y avait une citation d'un certain Michael Pachter. Je sais pas si vous vous souvenez de cet analyste très connu pour ses déclarations foireuses, qui avait dit que ça ne marcherait jamais. Voilà, c'est ça. C'était un peu le Pouillot de l'époque. En disant que si tu prends chaque truc séparément, si tu veux du loot, tu joues à Diablo. Si tu veux du FPS, tu joues à, je sais pas ce qu'il a cité, Call of Duty, tu vois. En fait, c'était surtout RPG et FPS. C'est ça qui était étonnant dans cette déclaration, parce que tu sais, il y avait déjà des Deus Ex et des trucs qui existaient en fait, et même BioShock qui sort lui en 2007, tu vois, qui mélangeait un peu avec du RPG. Mais là, c'est vrai qu'eux, ils avaient vraiment cette approche, comme Diablo, qui était de dire, ok, nous, ce qu'on aime, c'est le côté porte monstre trésor, quoi. Vraiment, ce cycle-là, on tue et on récupère du loot. Et Diablo, ça s'est construit là-dessus. Ils sont délestés de tout ce qui restait du RPG. RPG. Et là, c'est vraiment pareil, c'est de prendre ça, vraiment cette façon d'envisager le RPG et de le coller à du FPS. Le développement concret, il va commencer en novembre 2006, donc un peu plus tard, il y aura quand même un an de prototypage, etc. Et puis, bah, ce sera parti pour trois ans de développement. Le truc intéressant à retenir, c'est que la fameuse direction artistique, la direction visuelle qu'on connaît vraiment du jeu, en fait, elle n'est pas du tout là au début. Ils étaient même partis sur un truc assez terne, assez réaliste, qui se rapprochait d'ailleurs beaucoup plus de ce qu'ils avaient fait avec Brothers in Arms, qui était vraiment gritty, tu sais, la terre, les fusils, on n'est pas bien, tu vois, on est des soldats, on n'est pas bien, on est dans les tranchées, on n'est pas bien. Qui est la tonalité de beaucoup de exactement. FPS. Oui, en plus, c'est un peu le fameux Fifty Shades of Marron, qui est un peu la marque de l'époque, quoi. Exactement. Et en fait, il y avait un gros problème, c'était que chez 2K, il y avait un autre FPS qui se préparait, qui était Rage, je sais pas si vous en souvenez, qui était un petit peu ça, c'est id Software. Voilà, c'était id Software qui s'en occupait. Qui est aussi gris. Et qui est vraiment gris, et qui, lui, est vraiment resté gris. Mais eux, ils se sont dit, déjà, ça marchait pas là-dessus, parce que ça crée une sorte de petite concurrence, en fait, entre les projets du portefeuille de l'éditeur. Mais aussi, c'est que en écrivant, en travaillant sur le jeu, ils avaient pris la direction un peu humour potache qu'on connaît du jeu aujourd'hui, et ça matchait pas, en fait, avec ce délire réaliste, etc. Donc ils ont, au dernier moment, c'est vraiment dans la fin, dernière année de production, qu'ils se sont dit, ok, on va tout retenter. Et c'est là, en regardant les concept art, en fait, des différents personnages, qu'ils se sont dit, et si on partait, en fait, sur un truc qui ressemble carrément à ça, à ces fameux concept art. Et c'est là qu'ils sont partis sur ce délire en cel shading. On peut peut-être d'ailleurs rappeler un petit peu, qu'est-ce le cel shading? Eh bien, le cel shading, je vais paraphraser, résumer une vidéo de post-process, hein. Évidemment, c'est plus simple comme ça. La c'est bah oui. Ah, oui. Mais on peut recommander, du coup. Bien sûr. La chaîne post-process qui est plus du tout en activité aujourd'hui, mais non, voilà, des gens qu'on embrasse évidemment au passage. Mais des vidéos, voilà, qui servent toujours. Donc en gros, c'est la volonté de donner un aspect qui est dessiné. Et pour ce faire, tu vas faire déjà donc des aplats de couleurs. Aplats de couleurs, pour préciser qu'il n'y a pas vraiment de nuances. Hein, ça va être un rouge complet ou vraiment vert complet, mais pas de nuances des couleurs. Tu vas aussi bosser sur l'éclairage, avoir un petit peu cette même idée de... L'éclairage n'est pas nuancé, t'as vraiment des paliers de luminosité, c'est ça, en fait, de couleurs. C'est pas avoir un spec qui est très graduel comme ça, c'est faire genre 2, 3, 4 catégories comme ça, avec vraiment une grosse différence très visible. Et tu appuies beaucoup les contours pour donner ce tracé un peu crayonné. Et Borderlands ont quand même poussé vraiment le truc, je crois qu'ils ont, enfin les artistes ont vraiment donné un aspect, ils ont peint à la main, enfin il me semble, enfin à la main, Ils ont retexturé en fait les modèles qui étaient en fait réalistes, ils n'ont pas simplement utilisé la lumière, etc. Ils ont vraiment retexturé tous les personnages pour donner cette direction artistique qui, en fait, il y avait quelques jeux qui faisaient dans les années 2000. Voilà, c'est dans les années 2000, il y en a beaucoup. Juste pour citer des exemples, c'est dès 2000, t'as Jet Set Radio. Ouais. Ensuite, t'as eu Zelda Wind Waker, il y a eu 13, il y a eu Okami. Et donc, Borderlands, quand ils sont en dev, alors c'est une décision qu'ils ont prise au dernier moment, comme tu l'as dit, donc ça doit être entre 2008 et 2009, mais il y a déjà tous ces jeux-là en fait, qui l'ont fait. Il y a déjà des références. Et à mon avis, enfin, tu vois, je pense que c'est de toute façon une bonne idée, ça c'est sûr, mais ils ont dû aussi se rendre compte à un moment donné que le côté réaliste ne collait pas avec le délire loot à gogo, parce qu'en fait le côté loot à foison avec des couleurs qui pètent dans tous les sens, ça marche très bien dans cet univers là et donc forcément ça colle en fait, tu vois, cette DA globale, quoi. Et pour la petite anecdote, juste comme ils ont changé au dernier moment, ils ont changé de direction artistique. C'était une directrice artistique qui était chargée de la dernière DA, et elle a été tellement dégoûtée de ce revirement qu'elle a quitté le studio et l'industrie du jeu vidéo. Voilà. Ah ouais, carrément. Voilà. Ouais. Ah, c'est ok. Donc voilà, il y aura ce changement de DA et finalement cette formule, ce mix entre Diablo et Halo plus cette DA, ça va marcher, le jeu va être bien reçu, les retours critiques sont assez positifs, je crois qu'on était un peu au-dessus des 80 sur le premier épisode, et puis surtout sur les 2-3 années d'exploitation qui vont précéder le 2, il y aura un peu plus de 5 millions de ventes. Donc voilà, quand même une belle réussite pour cette nouvelle licence et pour ce studio en fait qui n'avait pas encore fait vraiment ses preuves jusqu'ici, parce qu'ils avaient travaillé sur des portages, une licence Brother in Arms qui n'avait pas non plus monter très haut. Et puis là, d'un coup, voilà, ils arrivaient sur la map, hein, tout simplement. En plus, ils avaient réussi, je trouve, à créer une atmosphère. T'avais cette intro, avec le Skag qui se fait écraser avec la musique qui part, etc. Ouais. Donc, le ton était donné instantanément. Et surtout, un truc qu'ils ont fait, Gearbox, je pense qu'on va en parler à un moment donné, mais autant le mentionner vu qu'on parle du 1, c'est qu'ils ont vraiment embrassé le délire du DLC et de de l'extension à fond. Peut-être même plus encore que d'autres studios, parce que il faut se souvenir que la PS360, c'est vraiment le début des contenus, des maths qu'on pouvait acheter comme ça. Et en fait, Borderlands, il y avait des extensions, il y en a eu 4, je crois, en tout, qu'on pouvait acheter sur le Xbox Live, le PlayStation Network, machin, mais ils le vendaient en boîte. T'avais cette fameuse petite collection où tu devais avoir le jeu de base et tu achetais le truc. Il y a eu une édition GOTY, enfin bref. Ils ont vraiment adopté ce modèle-là et ça leur a permis de driver les ventes pendant pas mal de temps. Et la boîte est pas, enfin, tu vois, faut aussi rappeler que les modèles de base de 360 n'avait pas de disque dur, donc oui, forcément pour installer des trucs, il y avait des cartes mémoire. Ouais, ouais, il y avait, ou alors tu pouvais acheter un petit truc que je me souviens que tu raccrochais, tu pouvais juste oui, que tu raccrochais vrai, dessus. Ouais. Mais voilà, les modèles vraiment de base, parce que nous on avait acheté ça parce qu'on avait acheté le truc le moins cher avec mes frères et sœurs, donc on avait la Xbox 360 sans le décor. Elle s'appelait. Exactement, c'est vrai qu'il y avait tout un marketing autour de ça. Donc voilà, oui. Et puis on aura l'occasion d'en reparler, mais il y avait aussi déjà la coop, le côté couch gaming. Oui, c'est vrai que on peut jouer en split screen, ouais. En écran partagé. Donc ça, c'était C'est vrai qu'à une époque, ça avait disparu quasiment. Bah oui et non, parce que tu vois, Gears of War le faisait. Ouais, ouais. T'avais Halo aussi, c'était quand même dans le délire. Donc il y en avait encore quelques-uns. Mais le futur, c'est plutôt l'online. En fait, c'est ça. De toute façon, on est quand même sur console. Tu vois, on est en 2009, donc on n'est pas au début non plus de la génération PS360, mais on n'est pas à la fin, c'est pas la fin non plus. Et à ce moment-là, l'en ligne, c'est pas encore totalement démocratisé. C'est à partir de 2010-2011 où tous les jeux, c'est dans le cahier des charges, il y a un mode multi, ça commence à arriver. Ouais. Modern Warfare 1, c'est 2007. Oui, ouais, c'est ça. Il y en avait déjà, bien sûr. Mais du coup, c'est plus ça qui va. C'est exactement, c'est ça en fait qui va reprendre le truc, alors que Borderlands, là, il le faisait un peu à l'ancienne. Bref, tout ça pour dire que le premier épisode fonctionne bien et forcément, on embraye sur une suite et là c'est on l'a dit dans la prépa, c'est harder, better, faster, stronger. C'est vraiment, ils reprennent, en plus c'est ça, ils en ont parlé, ils ont pris un gros tableau, c'est assez intéressant ça, ils ont fait un gros tableau avec tous les retours, ça. C'est ça, ils ont fait un truc très pragmatique, ce que tu dis, déjà de base ils se sont dit, on garde quand même l'essence de ce qui fait le jeu, ce qui s'appelle donc à l'époque un role-playing shooter, plus tard ça deviendra looter-shooter, mais à l'époque il n'y avait pas le terme, ils appellent ça comme ça en interne, et tu veux faire pareil, mais en mieux, qu'est-ce que tu fais? Ils ont fait, comme tu as dit, un gros tableau avec donc... toute la presse, JV, papier, internet, j'imagine. J'ai vu le PowerPoint, c'était illisible. À l'époque, il y avait des trucs. Alors, pour les gens qui nous écoutent, les sites internet qui parlent de jeux vidéo, c'est un truc de l'ancien temps. Hein. Ça n'existe plus aujourd'hui. Dans ma tête, je suis genre. Non, mais c'était plus. Dans ma tête, je sais pas, c'était genre 2000. Genre, il n'y en a pas encore beaucoup. Si en 2009, c'est rigolo parce que là, tu vois, 10 ans plus tard, des sites internet, rien qu'en France, déjà, il n'y en a quasiment plus. En fait, il n'y avait pas de youtubeurs. Ça y est, c'est ça la vie de je sais pas quel youtubeur. Et il y a donc toutes les features, ils ont relever en fait toutes les features qui ont été mentionnées dans ces tests-là, et il y a un code couleur très simple, un vert si ça a été bien reçu, orange si c'est moyen, rouge si c'est mal reçu, et pour chaque feature, ils identifient déjà si c'était bien reçu ou pas, et ensuite ils prennent la décision, est-ce qu'on fait mieux, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on dégage, et de ça a découlé différentes décisions, notamment il y avait du PVP a priori en arène dans le 1, parce qu'ils ont gardé des duels je crois pour le 2, mais il y avait du PVP en arène qui a été mal reçu, ils ont dit on va pas se prendre la tête avec ça, ça dégage, il n'y a pas de souci, et je crois que par contre la conduite a été mal reçue, mais ils l'ont globalement gardée sans qu'elle soit désagréable dans le 2, mais ça a été un choix quand même qui a été fait en studio, donc voilà, sur le fond c'est très logique de dire ça, juste qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, mais comment ils l'ont fait, ils ont fait comme ça. Et puis les effectifs qui ont monté à un peu plus de 130 personnes plus les QA, donc sur le développement de ce deuxième épisode qui sort donc en 2012, 3 ans de développement pareil, qui est encore très très bien reçu, là on est à 89 sur Metacritic, on est aux portes du 90, et puis surtout c'est les ventes là qui vont être assez impressionnantes, ce sera 5 millions mais sur la première semaine et c'est vrai parce que tu dis c'est violent, de se dire qu'ils ont vraiment réussi à créer une sorte de phénomène, et ce qui est surtout très impressionnant, et ça c'est vraiment le truc qu'on peut voir avec Fin du Game en fait, en s'intéressant à des jeux 10 ans après leur sortie. Quelle émission incroyable. En plus, je me jetais des fleurs en discreto, c'est toi, tu appuies dessus. Non, mais c'est vrai, on a vu que c'est 27 millions aujourd'hui Borderlands 2, et ce qui est super intéressant, c'est que le jeu a vraiment continué à se vendre sur la durée, à raison presque de 3 millions d'exemplaires par an, et ça, c'était encore vrai, genre en 2021. Donc, c'est quand même. Alors que le 3 était sorti. Voilà, il y a quand même un truc maboule avec ce jeu de se dire, mais tous les ans, il y a des millions de Borderlands 2 qui se vendent, et c'est fou, quoi. Le jeu est vraiment devenu une sorte de référence du jeu PC, évidence. Là, tu vois en fait que ça fait vraiment maintenant longtemps que la logique d'occasion a complètement disparu. Et du coup, ça a totalement transformé la façon dont on consomme les jeux. C'est vrai. Et la long tail aujourd'hui, c'est des années et des années. Tu vois, The Witcher qui continue de se vendre comme un ouf. GTA 5, je sais pas si vous avez entendu parler de ce petit jeu qui reste un des jeux les plus vendus de l'histoire. Et du coup, ça a complètement transformé notre façon de consommer. Et eux, ils peuvent en fait régulièrement faire une solde, faire un machin, offrir le jeu avec avec un pack, un Bumble Bundle, un jeu Epic, un c'est bidule. Les, 20, les derniers 3 millions, clairement, c'est pas vendu à 70 balles. Hein. Non, non, c'est du 3,49€. Mais bon, sur, c'est un jeu que t'as rentabilisé déjà, ça, tu vois, au bout de 2 semaines. Donc après, le reste, c'est que du bonus. Hein. Exactement, c'est que du cash en plus. Mais c'est vrai que je trouve que, tu vois, là, ça fait quelques temps dans l'émission qu'on a de plus en plus de jeux. On se rend compte vraiment de ça, qu'il y a eu un changement, il y a eu vraiment un shift dans le paradigme du Day One. C'est plus... c'est important, mais maintenant, vraiment, les ventes que tu fais sur la durée, c'est vraiment... Ça a changé, quoi. Mais quand on a vu 27 millions, moi, j'aurais pas dit. Tu vois, sur le coup, alors, j'estime pas un million près au doigt mouillé, mais il y a un côté, tu me diras 10 millions, je fais, ouais, il y a pas de souci. 27 millions, faut se rendre compte, hein. Surtout dans nos sphères, il y a un côté, je sais pas, Mass Effect, j'en ai toujours beaucoup entendu parler. 27 millions, je pense que c'est plus que les 3 Mass Effect réunis. Bien sûr, on est un ordre d'idée. Donc là, tu fais, ah oui, en fait, ça a quand même percé vraiment le côté, c'est un jeu populaire, ouais, tu vois, au sens. Au vrai sens du terme, quoi. Mm-hmm. C'est pas un truc qui est apparu, tu sais, dans les top critiques, machin, mais en fait, c'est un jeu auquel, quoi. Tu fais partie, tu vois, tout le monde a joué. Moi, je me souviens qu'à la transition avec la PS4 et la Xbox One, tu vois, ça faisait partie des jeux favoris des gens. Ils ressortaient assez souvent dans les listes de jeux favoris parce qu'il y avait ce côté couch co-op, etc., qui faisait que, ben ouais, c'était un jeu qui était cool à faire tout seul, mais surtout à plusieurs. Et je voulais juste revenir pour cette histoire là de Day One et de Long Tail. Du coup, pour les personnes qui parlent en anglais, moi je vous invite à vous abonner à la newsletter, donc de, mince, j'ai oublié son nom. C'est Simon Carles. Ouais, c'est ça, Simon Carles, Carles, je sais plus, enfin Simon Carles, on va dire en français, c'est gamediscovery.co. Et en fait, lui, il étudie les chiffres de vente de Steam, et là, il avait fait un gros papier en fin d'année 2022 où il montrait que en 2022 et en 2021, les jeux qui se vendaient le plus étaient des jeux sortis les années d'avant. C'est-à-dire que les jeux maintenant, leur année de sortie se vendent moins que les années suivantes. Pour pas mal de jeux, ça peut être le cas, parce qu'en plus, il y a beaucoup de jeux qui vont réussir à faire une espèce de soft launch et une vraie sortie dans un deuxième temps avec un appui marketing et tout. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans une autre logique. Donc en fait, les concurrents des jeux qui sortent aujourd'hui, c'est pas les jeux de cette année, c'est les jeux d'il y a 10 ans. Tu vois, les RPG, ils sont en concurrence avec The Witcher, on a vu, etc. Même quoi. Les top ventes là de l'année dernière sur Steam, t'as Hollow Knight dedans, tu vois. Tu dis, bah, alors que c'est sorti en 2019, quoi. Donc il y a vraiment. Et c'est un des autres avantages aussi du cell shading, mais c'est que ça vieillit très bien parce que des jeux, autant tu citais par exemple, je sais pas, Witcher 3 ou quoi, c'est vrai que moi je dirais que le jeu vidéo il vieillit de mieux en mieux, surtout depuis, on va dire, 2015 dans ces eaux là, parce que les jeux des fin 2000, début 2010, ils sont pas tous sur un pied d'égalité, vois. Les jeux de Play 2, hein, ça picote. Mais il y en a même PS3 là, début Play 3 ça picote, GTA 4, tu vois, aujourd'hui tu le relances, tu fais premier Assassin's Creed, tu fais premier Mass Effect, il a pris cher, premier Witcher, j'en parle même pas, tu vois. Il y a des jeux, voilà, Borderlands, ben, très bien, il n'y a pas cette course à la technologie, au photoréalisme, et donc il ne joue pas dans cette cour là, quoi. Voilà, donc un jeu qui se vend très bien, et on va pouvoir passer à l'histoire, mais avant, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Patreon, on parle de millions d'exemplaires vendus, vous êtes des millions à nous écouter, non, ce n'est pas vrai, mais par contre n'oubliez pas, sur la totalité, depuis qu'on l'a lancé, il me semble, millions d'écoutes, oui, ça c'est clair qu'on les a fait, mais d'écouteurs, je ne suis pas sûr. Mais c'est pour ça, continuez d'en parler autour de vous. Exactement, parlez-en autour de vous. N'oubliez pas de mettre les petites notes sur l'appli. Et puis voilà, si vous avez la possibilité de nous soutenir sur Patreon, n'oubliez pas de mettre la petite piécette. Le lien est dans la description. On va donc rentrer dans l'histoire de Borderlands. Et c'est Maxime qui va nous conter cette grande saga du jeu vidéo. Pandora, Avatar, tous ces gens-là qui se... C'est ça, en plus, elle s'appelle aussi Pandora. Oui, c'est Avatar. C'est le nom de la planète. C'est une planète où il y a des dangers. Donc ça s'appelle Pandora. Pandora, tu vois. Non, c'est genre, tu ouvres un truc et c'est dangereux. Pandora. Les humains, quand ils arrivent sur un endroit, c'est pas bien. Ah, c'est Pandora, c'est là. Et ben voilà, le nom de la planète préfigurait ce qui se passe dans l'un, parce que je dois très vite fait revenir sur ce qui s'est passé dans l'un. On peut pas jouer aux deux sans avoir fait le. Exactement. Ah non, on comprend rien. On ne comprend pas. Le Bojack, tu captes pas les intentions. Bref, Borderlands 1, pour la faire très vite, donc sur la planète Pandore, il y a une arche qui renfermerait beaucoup de trésors, et le nom finalement préfigure que en fait il n'y a pas vraiment de trésors. Nous, on vient en tant qu'aventuriers de l'arche qui sont là pour choper le magot, quoi, tout simplement. Et en fait, bien, dans cette prison, il y avait juste un gros monstre. Voilà, je viens de vous résumer Borderlands 1. C'est ça, oui, non, mais c'est exactement ça. Mais est-ce que le vrai trésor, ce n'est pas le loot qu'on a fait en mais chemin? Mais si, les amis avec qui on a joué sur le canapé. Mais voilà, tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ouverture de l'arche a quand même déclenché, je cite le jeu, directement, il a déclenché l'apparition d'Iridium, un élément alien d'une valeur inestimable. Voilà, le 2 s'ouvre là-dessus. Et donc, il y a du petit bise qui commence à se faire autour. Exactement. Il y a la société Hyperion, dirigée par le Bojack, qui du coup est devenu très riche parce que c'est lui qui avait eu l'idée d'extraire cet Iridium. Ils ont instauré un régime dictatorial, pardon, avec tous les robots que vous verrez. Ils n'hésitent pas à bombarder de robots, bombarder des villes, ça fait partie des péripéties. Il y en a beaucoup, des robots. Il y a beaucoup de robots, mais il y aurait aussi une arche encore plus grande, encore plus grosse, en plus de l'Iridium. Donc la société Hyperion, elle est sur le coup, hein, évidemment. Mais nous aussi, eh ben, on est encore des aventuriers de l'arche. Hein. On a appris qu'il y avait une arche encore plus grande. Et ben voilà, on débarque, on choisit sa classe. Il y avait les quatre à bord d'une espèce de train. Il y a le Bojack qui nous met des bâtons dans les roues, parce qu'il veut être le seul, évidemment, hein, à travailler là-dessus. Il fait péter le train. On se réveille dans la glace et Borderlands 2 commence. Je vais pas revenir en détail, voilà. Borderlands 2 commence et Borderlands 2 finit. En même temps, ouais, c'est ça, péripétie, bagarre, loot, quête annexe, si vous voulez. Bah, y a pas énormément de choses à dire. On retrouve quand même les persos du premier, ça on peut le dire, qui ont un rôle assez important dans le jeu. On a d'autres, il y a Tiny Tina, par exemple, qui prendra un rôle assez important dans la licence. Il y a des trahisons, des rabibochages, voilà, c'est des histoires prétextes, quoi, hein, tout simplement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'après avoir battu tous les robots du Bojack et un dragon géant qui était asservi par celui-ci, on abat le Bojack, tout est bien qui finit bien, on ouvre la seconde arche et elle montre plein de coordonnées, c'est une fin assez expéditive, il y a plein de coordonnées qui sont montrées visiblement dans l'univers, je pense, dans l'espace, et ce serait probablement, on suppose que c'est les coordonnées d'autres arches, et vraiment juste le jeu il est en mode, eh ben allez c'est reparti, c'est vraiment, tu sais, à la fin de l'arche ultime, il y a Peter Molineux qui t'attend au bout là, et qui te sort un jeu vidéo, il sort Fable 4. C'est voilà. Tout ça. Très bien, une histoire donc prétexte comme tu l'as dit Maxime, ce qui est important de toute façon c'est que eux ils ont vraiment pensé d'abord ce truc de Halo meets Diablo, donc vraiment l'histoire du loot, et l'histoire est née à partir de ça, donc il n'y a pas forcément de gros reproches etc à faire à l'histoire puisque de toute façon elle est là pour justifier la boucle du loot, ouais, et puis on le rappelle, vraiment, on va chercher un grand trésor, bah quoi, oui, donc oui, c'est on va chercher du loot, c'est ça, t'es un Vault Hunter, donc tu sais juste qu'il y a un trésor à un moment donné, et donc le trésor, enfin tu vois, c'est un peu One Piece, quoi. C'est un peu une espèce d'excuse globale pour avancer et faire des choses. Mais surtout, bah, dans le design de Diablo à l'origine, souvenez-vous, il n'y avait pas d'histoire non plus. Mmh. L'idée, c'était de dire, le jeu, il s'appelle Diablo, comme ça, tu sais ce que tu as à faire, et puis c'est tout, on s'en fout, quoi. Et puis le Diablo, ils avaient pris le parti très Dark Fantasy, un peu gore, machin. Eux, ils sont sur un côté un peu Mad Max / science-fiction, mais beaucoup d'humour, tu vois, humour omniprésent. Peut-être un héritage de Duke Nukem, d'ailleurs, ça se trouve, ils ont gardé un petit peu, tu vois, cette patte, le côté volontaire. Je pense que c'est un petit peu dans leur délire. C'est un peu dans leur identité. C'est vrai qu'on peut, les rapprocher. Bah, on peut revenir un peu justement. Déjà, c'est vrai qu'il y a tout ce cast de personnages. Ils ont quand même, il y a un gros travail sur les persos, notamment le Bojack qui est doublé par. Alors, j'ai oublié le nom, c'est Christophe Lemoine. Oh, oui, voilà, c'est voilà, en français. Qui est un doubleur très, c'est la voix très connu. De Cartman, c'est la voix de Jack Black, c'est la voix de tout un tas de gens. Moi, je trouvais d'ailleurs que ça marchait mieux en français qu'en anglais. Ça fait partie des rares jeux que j'ai préféré faire en français qu'en anglais. J'ai testé qu'en français, mais c'est très bien. Ouais, c'est très très cool. Et en fait, tu vois, c'est marrant parce que c'est encore un de ces jeux qui fonctionne avec un bon méchant. Tu vois, on avait parlé de Far Cry 3 dans l'émission, etc. Et le fait qu'il y ait cette espèce de méchant un petit peu, voilà, en fil rouge, qui soit omniprésent tout le temps, comme ça permet de garder en fait un lien avec l'histoire, parce que très vite on oublie, on tire sur des trucs et on clique sur des coffres, quoi. Et tu le retiens surtout parce qu'il y a un côté second degré. Il y a des moments où il va un peu se prendre au sérieux parce que c'est un méchant très méchant, mais tu vas le retenir pour les phases un peu d'humour où il est un peu ridicule, où il essaie de se moquer de toi, mais il y arrive plus ou moins bien, et c'est ça qui marche, quoi, qui fonctionne. Et puis c'est de là apparemment que vient le truc étalon du cul qui était une blague très populaire apparemment au début des années 2010. Bah voilà, on se demandait si tous les gens sur les internets aujourd'hui disent quelque chose du cul, est-ce que ça serait pas la faute du Bojack? Oui, le côté incroyable du cul, le bot du cul, tous ces trucs-là. Ouais, ouais. Est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas. Parce que moi, je savais pas, effectivement, j'avais pas fait le lien avec l'étalon du cul, qui est donc une licorne, hein, que le Bojack récupère. Une licorne de cristal. Voilà, quoi, parce qu'il est pété de thunes, donc il se fait chier. Qu'est-ce qu'il va acheter? Bah, il va acheter une licorne en cristal. Et il l'appelle étalon du cul. Il veut la nommer après nous, et voilà, il hésite entre phase de paix, étalon du cul, et voilà, ça devient étalon. Phase de paix, c'est un peu gentil quand même, tu vois, c'est genre. Mais étalon du cul. C'est presque affectueux quand même. Quelque chose. Mais c'est vrai que l'humour est très présent. Moi, j'ai regardé une conf du lead writer du jeu, et qui expliquait qu'eux, ils voyaient pas vraiment Borderlands comme un jeu humoristique ou genre un jeu comique. Pour eux, c'était avant tout un FPS, le loot, c'était ça le principal. Et il y avait cette surcouche d'écriture qui était là justement pour donner une identité différente et qui allait faire de l'humour. Et surtout, il essayait d'expliquer que ils font beaucoup de vannes dans les dialogues et tout, mais ils ont essayé quand même de créer des blagues avec la grammaire vraiment du jeu vidéo. Alors il y a plusieurs choses, ils vont s'amuser par exemple avec le nom des bestioles qu'on va pouvoir tuer. Il y a toute une quête avec un mec qui veut créer un almanach avec le nom des bestioles, et au bout d'un moment il en aura marre de trouver des noms et il lui donne une espèce de nom insulte. Alors j'ai que le nom en anglais, c'est Bonheur Fart, mais je sais pas comment il l'appelle en français, mais Golpé, voilà. Je sais pas comment on pourrait le traduire, avec un pendant ou je ne sais pas, voilà, quelque chose comme ça. Il y a aussi une quête autour d'un flingue mythique qui apparemment serait maudit, et pendant super longtemps on va essayer de le chercher, tous les gens qui tombent sur lui en fait ils sont morts, et au final quand on trouve le flingue, et ben il est effectivement méga puissant, mais par contre il fait des bruits insupportables à chaque fois que tu tripes, genre des comme ça à chaque fois que tu tires. Donc du coup voilà, tu peux choisir de l'utiliser si tu supportes ce truc là et apparemment même il disait que genre le bruit du flingue ignorait tes réglages son, donc vraiment même si t'avais baissé les bruitages en bas, bonjour, ça faisait quand même des bruits vraiment désagréables. Et puis il y a évidemment Claptrap qui est devenu aussi une figure un peu connue du jeu. Je me souviens du trailer où il danse sur la dubstep, parce que il faut se remettre le trailer d'annonce. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, on est en 2012, donc c'est du Nero la musique, c'est Doomsday la chanson. Et à un moment, tu sais, à la fin, après avoir mis des gros titres partout, genre Gazillion Gun Fun Loot Shooter machin, t'as Claptrap qui fait point, et voilà. Il commence à faire des petits mouvements comme ça là, c'est trop drôle évidemment. Et bien sûr Claptrap qui est dégoûté parce que personne ne l'aime en fait. C'est ça en fait, oui, tout le monde le déteste, tout le monde est constamment à le mépriser. Et il y a une quête avec lui qui est d'organiser sa fête d'anniversaire. Donc à chaque fois tu vas aller vers des gens et leur dire, est-ce que tu veux venir à la fête d'anniversaire de Claptrap? Ils disent non. Et au final tu vas aller à la fête d'anniversaire de Claptrap et ça va durer 3 minutes et t'as pas le droit de bouger. Tu vas juste devoir regarder Claptrap se dire bon c'est pas grave, je vais quand même fêter mon anniversaire. Donc parce qu'il est tout seul. Voilà, parce qu'il est tout seul. Et il expliquait que en fait c'est drôle et c'est un moment particulier qui a quand même marqué les gens, mais c'est un truc que ils ont eu du mal à le vendre aux développeurs, tu vois, parce que tu dis là faut que vous me développiez des trucs, faut que vous me scriptiez des scènes pour des choses qui déjà c'est annexe, ouais. Et en plus c'est pas de contenu, c'est pas du gun, ça va un peu à contre-courant de ce qu'ils font d'habitude. Donc ils ont quand même dû pousser la team des auteurs, des writers, pour vraiment faire des vannes comme ça qui étaient faites avec le jeu. Et puis il y a un côté un peu code du jeu vidéo, parce que sur les noms du monstre, tu disais en fait au début il a d'autres noms que Bonheur Fart, mais il dit que c'est pas libre de droit, donc il change les noms, et que quand tu combats les monstres tu vois les noms qui apparaissent dessus, ouais. Et qui vont changer en fonction des noms. Et je me souviens sinon d'un mec, la quête, il veut juste, c'est un mec qui hurle et il veut que tu tires dans la tête. Oui, je l'ai et vu, en fait, oui. Il y a les petites cases d'objectifs, oui. Où en fait la première case c'est tire dans la tête, et les autres c'est pas dans les jambes, pas dans les bras, pas dans le truc, et c'est ça les objectifs, quoi. Tu fais ok. Et je crois qu'il en parlait aussi de cette vanne, et justement tu vois ils ont dû, tu vois, il y avait l'objectif de juste tirer lui dans la tête, et c'est après qu'ils se sont dit venez on met la checklist, genre c'est validé que tu lui as pas tiré dans la jambe. Et en plus la vanne c'est tu tires dans la tête et c'est, voilà, c'est la quête, c'est gagné. C'est la quête et tu vois, c'est une quête où il se passe rien, etc. Et d'ailleurs il racontait aussi un truc à ce propos, c'est qu'ils ont vraiment mis cette quête en deuxième partie du jeu, elle est un peu à la fin du jeu, parce qu'ils voulaient pas qu'on se dise que tiens il y a des quêtes où en fait il se passe rien, c'est vraiment une rupture de ton, tu vois. Et c'est vrai que c'est cool, ils se sont vraiment pris la tête pour essayer de créer de l'humour qui est avec les codes du jeu vidéo, comme tu dis, avec le nom, les objectifs, vraiment des trucs que seul un joueur ou une joueuse, tu vois, tu peux avoir cette complicité dans le truc, et pour que la vanne fonctionne. Il y en a aussi, j'ai oublié de vérifier ça, si ça faisait un truc, tu dois détruire l'hélicoptère de quelqu'un pour qu'il t'ouvre un passage, bref, et il te dit attends mec, tu sais quoi, tu vas partir et tu vas pas regarder l'explosion parce que ça va donner un air super badass. Je l'ai fait, tu vois, je suis parti, genre j'ai tourné le dos à l'hélicoptère en marchant, et t'as une voice line du méchant qui dit attends mais il a pas regardé l'explosion, et t'as une checklist genre impressionner l'ennemi, mais genre pour qu'il soit moins fort, il y avait un truc comme ça, donc je sais pas s'il y a une vraie influence dessus, mais ça marche en jeu, ouais. Donc c'est vrai qu'ils ont réussi leur coup là-dessus, et justement c'est vrai qu'en revenant dessus, à l'époque quand le jeu sort, oui on parle de ses qualités, mais on parle beaucoup de cet humour en fait, de toutes ces vannes, et ça donne à Borderlands 2 un truc assez unique, parce qu'encore une fois à l'époque on le disait, ouais les trucs militaro sérieux c'était méga populaire, tu vois, c'est l'époque de Call of etc, et en fait là t'as un FPS qui est dans un délire, qui se prend pas toujours au sérieux mais qui fait quand même les choses proprement à côté. Et forcément, bah, ça le met tout de suite à part de ce qui se faisait. Qui, quand même, je pense qu'on peut le dire. Alors, dans les détails, je sais pas, mais dans les grandes lignes, c'était déjà l'identité quand même du 1. Ouais, il y avait déjà ça. Et puis, il y a des persos que tu retrouves, genre le docteur Z, je crois que c'est son nom. Ils ont aussi leur petite entrée en scène, des trucs un petit peu stylisés. Donc, ouais, dès le début, avec sa DA et son ton, bah ouais, c'est un jeu qui se place comme ça dans l'imaginaire collectif, qu'à sa place. Ouais. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que tu vois, même s'ils ont un peu rechigné à faire ça, bah en fait, ils ont eu raison de le faire, parce que sans ça, c'est, en fait, c'est pas ça, c'est pas, tu vois, le gameplay, le loot que tu vas souvenir, c'est effectivement l'ambiance, l'atmosphère, les trucs. Donc, ils ont réussi à donner cette identité à Borderlands, et ça fait qu'en fait, la série aujourd'hui, elle fonctionne encore, en fait. Mmh. Donc, ils ont bien fait d'insister à un moment donné. Non, non, mais ouais, avec le 1, je pense qu'ils se sont dit, on a mis le doigt sur un truc, et en fait, avec le 2, ils ont poussé à fond dessus, et encore une fois, je pense que, enfin, si on veut commencer à expliquer un petit peu les millions de ventes et pourquoi ce jeu il est retenu, bah parce qu'il y en a pas tant, tu sais, des jeux vraiment drôles ou qui tentent vraiment de faire de l'humour. Puis t'avais vraiment, il y a eu High on Life là récemment avec. Bon, et lui, c'est, bon, allez, c'est puis c'est en plus il y a des, en plus il y a des, sombres bails en plus maintenant qui viennent de sortir sur le créateur de Rick and Morty. Mais bref, on va pas rentrer là-dessus. Mais ouais, des jeux qui font des blagues comme ça, il y en a pas. Il y avait Portal. Ouais, Portal, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'était une de leurs refs, tu vois. Ils ont dit que justement tout ce délire avec GLaDOS et tout, ce jeu qui se passait entre le joueur-joueuse et GLaDOS, ce dialogue-là un peu sous-jacent, ils avaient beaucoup aimé ça. Mais c'est de toute façon toujours très difficile parce que du coup, faire de l'humour quand tu t'adresses à des gens de culture et de langues différentes, ben forcément, c'est pas toujours facile de les traduire. Donc s'appuyer sur des codes communs qui sont les codes du jeu vidéo, c'est effectivement la bonne piste à explorer. Mais y parvenir, bah, c'est facile de devenir lourd en fait. Enfin, tu vois, c'est très facile de tomber dans du trop, dans du graveleux, dans du machin. Alors, c'est pas parfait, hein, Borderlands 2, j'imagine qu'il y a des blagues qui ont dû un peu mal vieillir, etc. Mais juste le nom, déjà, Bonnerfart, moi, en vrai, le nom lui-même me fait pas rire, mais c'est les petites idées autour, ça, c'est rigolo. Tu sais, il y a effectivement cette époque où tu dis, bah ouais, c'est vrai qu'il y a un gros humour un peu South Park, etc. Enfin, tu retrouves quand même quelques petits trucs un peu de l'époque, et on en parlait tout à l'heure, là, du fameux trailer, mais, enfin, tu sais, il y avait vraiment une communication autour de Borderlands 2 qui était tellement à l'opposé de ce qu'on voyait dans le marketing, ça marchait, en fait, tu vois, le délire fun, coop, écran splitté, cel-shading. C'est juste, vous tirez, vous avez du loot, vous avez des machins, il y a des milliards de guns, etc. Ça marchait bien. Et quand tu voyais le trailer, en fait, au milieu de tous les autres trailers de l'E3, il dénotait direct. Voilà, c'est ça. Ouais. On se disait, ah, c'est le moment Borderlands, et ça y est, c'est cette licence-là, et tout le monde l'avait bien imprégné dans la tête. Et après, on a bouffé de la dubstep pendant très longtemps, en partie, peut-être à cause d'eux. Hein. Franchement, ça n'a pas duré si longtemps. Je pense que les gens sont très vite rendus compte de la. Écoute, moi, je me souviens, là, à la Game Awards, il y a peut-être un an ou deux, on avait encore de la dubstep. Hein, mais non, c'est vrai. Non, mais peut-être un trailer qui s'était perdu comme ça, tu vois. Mais t'es perdu dans de la dubstep. Mais oui, non, mais c'est vrai que cette période-là, il y en avait beaucoup. Très bien. Alors ça, c'est toute la partie histoire, narration, les personnages, l'humour. Clairement, ça, c'est vraiment la surcouche qui donne son identité à Borderlands. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans vraiment le design, cette fameuse rencontre entre Diablo et Halo. Eux, donc, ils le qualifiaient de role-playing shooter. Alors effectivement, on commence. Il y a les quatre classes, qui sont un petit peu, qui sont différentes. On va choisir. On va aller gagner de l'XP, on va chercher du loot, mais comme on le disait, c'est comme Diablo, on dégage vraiment toute la partie complexité des quêtes, ouais, machin. Il n'y a pas de statistiques. Il n'y a pas vraiment cette idée de roleplay, je vais faire des grands choix, machin. Enfin, tu vois, à côté d'un Mass Effect, c'est l'inverse d'un Mass Effect. Quoi. Bah, on est vraiment à l'essentiel de l'expérience, c'est-à-dire que on est juste dans une quête de puissance, tu vois, de vraiment d'augmenter sa puissance pour faire des trucs de plus en plus foufou. Sachant qu'en plus, là, avec le délire du shooter, ça va leur permettre d'aller dans des extrêmes assez forts, parce qu'ils ont fait le choix de faire un truc assez light en fait, hein. Ouais. C'est un jeu où bon, les classes sont distinctes, mais il n'y a pas un gameplay, tu vois, très très affirmé. On va pas retrouver non plus, tu vois, des choses à l'époque. Bon, il y a tous les MMO, etc., donc il n'y a pas cette trinité du tank, DPS, support. Chaque classe est quand même un peu pensée pour pouvoir jouer solo. On peut peut-être revenir d'ailleurs un petit peu sur les classes. Oui, il y en a un. Alors, les noms, parce que c'est des noms de perso, mais il y a Salvador où lui, globalement, c'est une sorte de berserker. Il peut sortir deux armes en même temps. Le Gunzerker, il peut sortir deux armes en même temps, et lui, son arme va plutôt aller chercher dans les rechargements très rapides ou beaucoup de balles et les résistances aux dégâts, donc c'est ça qui va beaucoup s'exposer. Il y a Zéro, celui que j'ai joué, qui s'ils ont chacun une compétence aussi, donc là le fait de sortir notre arme pendant une durée limitée, c'est Salvador. Zéro, lui, il peut devenir invisible pendant 5 secondes et il pose un leurre, un hologramme qui attire l'attention des ennemis. Et c'est Build, c'est deux choses assez opposées, hein. Il y en a une où il peut jouer au corps à corps, il va faire beaucoup de dégâts au corps à corps, par derrière ou quoi, et l'autre c'est plus les coups critiques, notamment à distance avec de la précision précision, de la stabilité, ce genre de choses. Il y a qui d'autre ? Il y a Maya, ouais, bah, qui est la sirène aussi. Il y avait déjà une sirène dans le premier, ouais. Donc là, ça va être de la magie, récupérer de la vie, etc. Elle peut soigner aussi. Et puis, il y a Axton qui, lui, a sa tourelle. Donc, après, lui, il est un peu assez équilibré. C'est quand même celui qui a un peu plus le fusil d'assaut. Vraiment, le seul que j'avais joué, moi, ouais. Et vraiment, je trouvais ça trop cool parce que tu peux équiper, du coup, des trucs spécifiques sur la tourelle. Donc, tu peux avoir une espèce de petit bouclier. Enfin, il y a vraiment ce côté, t'es une espèce de one man army, quoi. Ouais. Et ça, ça me plaisait bien avec ce perso-là. Je crois qu'à l'époque, j'avais joué avec Zero aussi. Mm-hmm. Et là, j'ai relancé. Et en fait, bah, dans la version que j'avais, il y avait aussi deux personnages supplémentaires. Oui, ils en ont rajouté. Et donc, j'ai joué avec la Necromancer, qui est donc une petite nana qui peut aussi invoquer un robot avec elle. Et voilà, il va se battre avec toi, etc. Mm. Et puis, il y en a un autre, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Compris, c'est un ennemi, en fait. Enfin, tu vois, oui, c'est un peu un monstre. Et je sais pas comment il s'appelle, mais moi, j'avais surtout joué au 1, donc je connais pas trop les différentes quêtes. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que contrairement à un Diablo 2, par exemple, ou plus tard, tu vois, du Pass of Exile ou quoi, il n'y a pas non plus des builds extrêmement marqués. C'est-à-dire que le jeu, tu gagnes pas tant d'XP que ça. Enfin, tu vois, tu vas pas monter si vite que ça dans tes arbres de talent. Il va y avoir quand même des petites différences, mais on est beaucoup quand même sur des choix, sur du côté passif, tu vois. On va être plutôt sur des synergies. On va pas être sur des nouvelles compétences que tu vas débloquer. Le fait qu'on ait qu'une seule compétence par personnage, pardon, c'est assez particulier, tu vois. On a en gros notre grenade, on va avoir notre pouvoir avec un cooldown pour chaque classe, et après nos armes, et c'est ça qui va faire la différence. À la rigueur, Zéro, tu peux quand même faire une espèce de build vraiment corps à corps, mais c'est pas une très bonne idée. Ou alors va falloir beaucoup farmer pour être très fort, mais parce que dès que t'atteins un niveau un minimum équilibré, ta vie peut quand même descendre assez rapidement, faut te mettre à couvert, donc ce qui facilite pas du tout le corps à corps, et t'as des ennemis qui volent, donc c'est pas... Oui, de toute façon, le jeu te pousse quand même à cette situation différente, c'est-à-dire que tu vas pas... Ouais. Pour que tu te dises, quand tu crées ton arbre de compétences, tu te dis j'ai quand même besoin, ce serait quand même bien que je fasse aussi des dégâts à distance. Ouais, parce que dans ton équipement, t'as aussi un bouclier qui peut te soigner, qui peut avoir du coup, c'est vraiment un bouclier à l'eau. C'est clairement, il se recharge tout seul, tu te recharges, tu fais et hop, ça y est, ça va mieux. Et donc, lui aussi, il peut avoir plein d'impact sur le jeu, et on peut avoir donc jusqu'à 4 armes. Et là, effectivement, tu vas pouvoir te faire une espèce de petite sélection d'armes en fonction des situations que tu vas croiser, quoi. Et bah justement, on va revenir sur ces fameuses armes qui sont vraiment le symbole de Borderlands, puis qui communiquaient énormément sur ces millions de guns. Alors dans celui-là, il y en aurait un peu plus de 17 millions de possibilités. Alors comment je les ai tous eus. Alors justement, normalement, c'est pas possible que tu les aies tous eus. Comment ça fonctionne ? C'est vraiment un système de génération procédurale. En fait, eux, ils ont designé environ 250 parties d'armes. Donc voilà, canon, cross, le corps, etc. La lunette. Et elles sont réparties entre 12 fabricants d'armes. Là aussi, ils ont un délire avec des marques d'armes qui vont être plus ou moins orientées. C'est-à-dire, toutes les marques ne font pas toutes les typologies d'armes. Ouais. T'as certaines marques qui vont être plutôt spécialisées longue distance. Ça va être du sniper, du fusil d'assaut, mais elles font pas de pistolet, par exemple. Et t'en as d'autres qui sont plutôt pistolet, fusil à pompe. T'as les trucs plus spécialisés, élémentaires. T'as des armes un peu plus énergétiques. Enfin, et vraiment, en gros, ça te permet de t'orienter un petit peu et de savoir un peu à quelle sauce tu vas être mangé quand tu trouves ton arme. Mais donc, l'idée, c'est 250 parties. Et voilà, la génération procédurale fait son taf et te crée une arme unique entre guillemets en combinant ces différentes parties. Sachant que par-dessus, va y avoir le système de statistiques en fait, parce que chaque arme va avoir des stats basiques comme le nombre de balles dans le chargeur, les dégâts, la vitesse d'attaque, la précision, ce genre de choses. Et après, comme dans n'importe quel Diablo-like, on va rajouter ce qu'on appelle des affixes, c'est-à-dire des petits modificateurs qui vont se rajouter et qui vont être de plus en plus nombreux en fonction de la rareté de l'objet. C'est-à-dire que quand t'as des armes qui vont avoir, une rareté légendaire, je sais plus exactement les termes qu'ils utilisent dans Borderlands, ça fait trop longtemps, mais tu vas avoir des affixes uniques qui ont vraiment un pouvoir extrême, genre la balle va c'est des balles incendiaires qui vont exploser, etc. Quand c'est la dernière balle du chargeur, il y a une espèce d'explosion autour de toi. Enfin, voilà, il y a vraiment des modificateurs très spécifiques qui vont rajouter encore un petit peu de variété à tout ça, et tout est mélangé. Et effectivement, c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir 17 millions d'armes possibles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en général, t'as deux types, on va dire, de dégâts supplémentaires, de gimmicks, on va dire, sur l'arme. Donc, soit les dégâts élémentaires, c'est un petit peu ce que tu disais. Donc, là, il y a corrosif, électrique, feu, enfin bref, voilà la base, quoi. Mais il y a aussi des choses qui peuvent changer un petit peu dans le gameplay. C'est-à-dire qu'il y a des armes, quand tu zooms, donc quand tu fais je sais plus comment ça s'appelle en français. L'Iron Sight. Voilà, l'Iron Sight. En français, voilà. On est terrible. Le Larousse illustré. La mire, je pense, ça doit être un truc comme ça. Oui, tout à fait. Ouais, voilà. C'est beau. Quand tu mets avec la mire, et il y a. Ça déclenche une rafale, donc tu peux avoir une décision qu'il y a à prendre au niveau du snipe, où tu vois qu'en termes de stats, t'as un snipe qui est un peu moins bien, mais si tu zoomes, il va tirer 3 fois. Mmh. Et en fait, le fait de tirer 3 balles très rapidement, c'est plus intéressant si tu fais même ne serait-ce que 20% de dégâts en moins, par exemple, où il y a des petits gimmicks du style, il y a une baïonnette, donc ça fait 50% de plus de dégâts en corps à corps, ce qui est intéressant quand tu joues 0. Ou il y a un truc qui est marrant, j'avais vu, c'est ça tire plus vite si tu cliques vite avec ton. Ta souris, tu fais clic, et il va tirer à cette, à cette distance-là. Donc il y a quand même un élément, là vraiment, on est sur du gameplay, vraiment 2 FPS qui va s'ajouter. Sinon on peut juste reprendre sur le fameux code couleur hein, du loot, et je me souviens j'avais lu une interview à l'époque où j'avais fait l'épisode sur le loot où il s'était dit on a repris vraiment le code couleur de World of Warcraft parce que c'est celui que tout le monde connaît, du coup on s'est pas posé de questions, donc c'est le fameux bleu, vert, violet et après orange je crois et pour les plus importants. Du coup c'est rigolo parce que c'est pas celui que je connais le plus, mais effectivement c'est celui qui de facto est devenu le plus démocratisé. Donc t'as les armes grises, bleues, rares, après t'as les vertes, etc. Et la variété des armes, pour revenir un peu sur les classes, mais expliquer une différence avec Diablo, c'est que là, toutes les armes correspondent en fait à ta classe. Il n'y a pas d'exclusion d'objets. Par exemple, si tu joues au Salvador, il n'a pas le droit de prendre un snipe, par exemple. Ah oui, oui, bien sûr. Il y a ça. Ce qui fait qu'il y a juste des prérequis de niveau. C'est ça, oui, des prérequis de niveau. Et ce qui fait que tout ça, on l'a dit avec les arbres de compétences qui sont relativement équilibrés, tu peux jouer tout à fait en solo avec n'importe quelle arme, avec n'importe quel style, même si t'en as qui vont être favorisés par tes builds. C'est ça, parce que le Gunzerker, tu vois, il n'y a peut-être pas trop de stats qui vont t'envoyer sur du sniper, tu vois. C'est ça, tu vas plutôt être vers des roquettes et du peupon. Ouais, parce que de mémoire, tu vois, je l'avais joué aussi et t'augmentais les munitions du chargeur. Enfin, tu pouvais avoir vraiment des trucs où tu devenais une machine à détruire tout ce qui se passait. Ce qu'ils expliquaient, c'est qu'en fait, parfois, tu allais pouvoir trouver un sniper qui avait des affixes un peu tellement particuliers que limite, c'était un sniper qui se comportait comme, comme un fusil d'assaut ou je sais pas, un sniper qui fait plus de dégâts de près, tu vois. Donc, ça devient presque un fusil à pompe. Peut-être tu vas juste sans viser tirer devant toi et ça va faire énormément de dégâts dans un truc comme ça. Je crois que c'est dans l'arme de compétence de zéro où là, justement, tu finis par avoir des bonus de dégâts si tu ne vises pas avec le sniper. Ouais, donc là, tu t'en sers comme d'un flingue, quoi. Exactement. Tu fais donc, des 3-6 no-scope là. Exactement. Non mais tu vois que ce qui est cool c'est que voilà comme on le dit chaque classe peut jouer toutes les armes et tu peux adopter le style que tu veux, et ce qui est surtout intéressant avec ces armes c'est que toutes les heures tu vas en trouver une nouvelle qui va avoir des stats globalement meilleures que celles que tu as, et comme il y a tous ces petits gimmicks sur le gameplay tu vas être forcé à jouer un petit peu différemment. Parfois tu vas trouver, je sais pas, t'avais pas l'habitude de jouer avec un pistolet mitrailleur, et là t'en trouves un qui est vraiment stylé, qui a un truc qui fait de l'électricité, et tu dis ça y est je vais pouvoir jouer avec. Le fait en fait que ça soit segmenté et qu'il y ait des prérequis par les niveaux, c'est ce qui leur permet d'assurer qu'il va y avoir une progression constante là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, juste pour le côté un peu design du truc, étant donné qu'on va gagner tant d'XP par heure, tu vois, il y a un nombre moyen d'XP qu'on va gagner, ils savent qu'on va gagner des niveaux au bout de tant de temps, et donc en fait, chaque arme va avoir des tiers possibles. C'est-à-dire que, je sais pas, une arme de niveau 10 va pouvoir faire des dégâts de 10 à 15, et l'arme de niveau 11 va pouvoir faire des dégâts de 14 à 19, tu vois, par exemple. Et donc en fait, en succédant ces trucs-là, ils s'assurent que fatalement, au bout d'un moment, tu vas trouver une arme du niveau qui est le tien genre une ou deux heures après que t'aies trouvé ta dernière arme, et cette nouvelle arme sera forcément plus puissante. Donc ça a l'air de rien, mais ce système là de prérequis par niveau peut être frustrant parce que tu dis j'ai trouvé une super arme, il faut que j'aille farmer machin, mais eux ça leur permet de vraiment assurer que sur la durée tu n'aies jamais ce sentiment de ventre mou ou de perte de puissance. Et toujours tu vois, tu dans le gain de puissance. Une arme qui est trop puissante, tu dis trop bien, quand j'arrive au niveau 25 je vais pouvoir l'utiliser. Ça peut arriver, c'est rare. Le jeu fait en sorte que tu puisses difficilement trouver une arme qui est genre 10 ou 15 niveaux de plus que toi. Non, pas 10 ou 15, mais c'est pas rare, et ça fait partie du plaisir à moyen terme, comme tu disais Hugo, d'en trouver une qui a 2, peut-être 3 niveaux plus. Si c'est ça. Mais je pense que c'est juste, surtout si tu fais le jeu en ligne droite, il y a peut-être plus de chances en plus que tu tombes sur des armes un petit peu overpowered quand elles sont dans des coffres, et tu dis effectivement, celle-là elle est bien, je la garde dans mon inventaire. C'est des choix à faire aussi, parce que ton inventaire il est limité entre les armes, les grenades, les boucliers, tu peux pas, ça fait partie des améliorations, tu peux aussi améliorer le nombre d'objets que tu peux porter, et tu dis effectivement, je garde cette arme-là et cette arme-là, et quand je serai niveau 28, je pourrais enfin les équiper parce qu'elles sont trop bien, quoi. Et ça c'est la boucle du loot, hein. c'est vraiment l'idéal. Et puis on peut parler aussi des fameux coffres justement qui nous donnent ces armes, parce que alors là ils ont fait un travail d'orfèvrerie vraiment pour mettre en scène la découverte d'une nouvelle arme. C'est vraiment des gros coffres, alors là ils en ont de plein de formes différentes, hein. Je pense qu'aussi il y a pas un million de coffres, il y a beaucoup de je pense qu'il y a un chess designer, mais c'est sûr et certain effectivement. Avec vraiment ces coffres qui ont cette façon de s'ouvrir avec des plis petit plateau à l'intérieur, et tu sais, il y a des sous-trucs qui s'ouvrent, etc. Et là, tu vois les armes avec les différents rayons. Évidemment, tu vois un rayon rouge, tu vois un rayon violet, tu te dis yes, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle perle? Et voilà, là, c'est vraiment la petite dopamine. Ouais, let's go, ça fonctionne vraiment comme ça. Ce qui est drôle, c'est qu'on est pas mal d'années avant les lootbox, donc avant Overwatch, avant tous ces trucs-là, où il y a justement le travail aujourd'hui sur l'ouverture d'un truc et central. On l'a vu avec Vampire Survivor aussi, là, récemment, en jeu beaucoup plus petit. Et du coup, bah, eux, ils avaient déjà pigé ça au départ. Et moi, je trouve que c'est un truc vraiment fascinant à regarder, parce que tu sais, quand tu t'amuses à regarder encore aujourd'hui, t'es content de les regarder. Les petites animations, il y a des petites volutes de trucs. Il y a un petit, tu vois, il y a un petit engrenage qui va tourner, qui va se mettre bien droit pour bien s'ouvrir, etc. Donc, c'est des choses qui sont vraiment à un niveau, tu vois, limite, comment on pourrait dire, c'est du feedback primaire, tu vois. C'est le cerveau reptilien qui est secoué là, et ça marche tout le temps. Enfin, moi qui suis un fanatique de jauge, j'aime pas les FPS, et pourtant Borderlands, tu vois, je trouve ça cool d'y jouer, quoi. Et ça, c'est pour les très gros coffres, mais même les munitions, le truc que d'habitude tu vas trouver, voilà, on va dire par terre, que tu peux trouver sur les cadavres d'ennemis, hein, mais il y a plein d'objets du décor, ça peut être des boîtes en carton, des chiottes, des machines à laver, des boîtes aux lettres, plein de casiers. Enfin, je me souvenais, tu sais, t'arrivais quelque part, c'est genre. Et t'ouvres. Ils ont tous une petite lumière verte. T'imagines les bras de Joël là dans The Last of Us qui partent dans tous les sens. Et là, en plus, faut ouvrir, donc c'est comme si c'était dans le 2 où t'ouvres tous les tiroirs. Et non, mais donc c'est pas rare d'avoir dans ton champ de vision vraiment 10 trucs à ouvrir comme ça devant toi. Il y a quand même, si tu restes appuyé sur le bouton E, donc attraper, il aspire tous les trucs que tu peux prendre, parce qu'il y a un moment, effectivement. Et tu peux mettre des filtres en place aussi, évidemment, quand tu commences à jouer beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, bah, tu peux dire au bout d'un moment, tu ramasses plus les objets gris, tu ramasses plus les objets bleus, ce genre de choses. C'est peut-être du modding, hein, c'est peut-être un truc rajouté. Bah, sachant que les armes, pour le coup, tu les ramasses pas automatiquement. Les armes, faut vraiment les. Tu as des trucs, il me semble que tu peux. Genre, alors, est-ce que je confonds avec le 3? C'était peut-être dans le 3 qu'il y avait un système de filtre. Peut-être que je confonds. Parce que là, de toute façon, je parle des munitions, de l'argent, dont tu refuses jamais. Ça, tu prends. Mais il faut quand même ouvrir et rester appuyé sur le bouton pour aspirer ce qu'il y a autour. Donc, c'est vrai que t'as quand même. T'es constamment stimulé, tu vois, t'es constamment un petit truc qui vient te titiller comme ça, tu te dis qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Ouais. Et c'est un jeu où on ouvre beaucoup de boîtes. Et ça, on parle juste de feedback par rapport à tes actions, mais le reste du jeu fonctionne également comme ça, parce que, on l'a dit, il y a une grande variété d'ennemis, tu vois, ils vont faire des petits bruits rigolos, il y a les nabos là qui font des petits cris, qui se mettent à exploser, t'as des skags qui vont t'attaquer d'une certaine manière. Enfin, du coup, chaque type d'ennemi va te solliciter, et c'est un jeu où, en fait, même pour aller d'un endroit à un autre dans ton petit véhicule, de toute façon, le jeu te laisse jamais tranquille. En fait, il y a toujours quelque chose qui va attirer ton regard, et c'est comme ça qu'ils te maintiennent un peu attractif. Il va pas non plus bousculer trop les situations, parce que comme on l'a dit, tu peux avoir des playstyles différents, des classes différentes, avoir investi dans des arbres de compétences différents, donc il faut pas. C'est pour ça que ça peut être vu comme un défaut, le fait qu'il y ait des boss qui volent, par exemple. Bon, si t'as fait un build full corps à corps, t'es mal barré. Tu joues à Borderlands pour jouer avec des armes de corps à corps. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est un de ses armes. Oui, oui, oui, je sais bien. Mais du coup, ça, c'est plus un choix de design, tu vois, qui est discutable, parce que t'es là, ça colle pas vraiment avec la philosophie, mais certes. Mais globalement, c'est quand même, on est sur les ennemis, tu vas pas te prendre la tête, il y a pas trop de complexité. Là où il y a quelques variations, ça va être sur l'emplacement des coups critiques, parce que quand c'est biologique, la tête, c'est plutôt une bonne visée, mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de robots, en fait, ils parlent de modèles de robots, et eux, ça va plus être au niveau des articulations entre les bras et les armes, et tu vas leur faire tomber, il y a du démembrement sur les robots, ils vont perdre des canons, donc ils vont être moins forts, donc là il y a un petit peu de jeu qui se fait à ce niveau-là, vraiment dans un point de vue FPS. Une autre chose qu'on peut noter, qui est pas inintéressante, c'est que le jeu, il est pas du tout punitif, il est vraiment pas méchant, quand il y a la mécanique, donc déjà on l'a dit, du bouclier régénérant, donc il y a pas de moment où tu vas être à un PV et tu trembles dans ton coin, tu sais pas quoi faire, tu vas partir acheter de la vie, non, t'auras toujours un bouclier qui se recharge, ce qui fait que c'est un peu très tôt, tu trouves des boucliers qui te rendent des PV par seconde, les boucliers eux aussi ont des stats, etc. C'est vraiment, tu peux aller dans des boucliers. Il y a la mécanique du second souffle, où en fait quand t'es mis KO, t'es au sol, mais t'as encore ton arme, tu peux encore tirer, t'es moins précis. Mais si tu tues un ennemi, hop, tu reviens devant avec quasiment, pas toute ta vie, mais t'as beaucoup de vie. Et il y a un système de checkpoint qui est payant, mais c'est qu'une fraction de l'argent que tu as. Donc à chaque fois que tu meurs, tu reviens, t'as dépensé un petit peu d'argent, mais tu pourras toujours en dépenser. C'est pour ça que je précise bien que c'est une fraction de l'argent. Même si t'es pauvre, tu pourras toujours payer de quoi revenir. C'est toujours un pourcentage. C'est un pourcentage. Et ça prolonge le combat. C'est-à-dire que les ennemis que t'as tués sont toujours morts. Par contre, ils récupèrent tous, ceux qui sont en vie récupèrent tous leur vie. Donc si c'est un boss fight, il faudra quand même te le refaire depuis le début du jeu. Donc on est sur un jeu, voilà, c'est un équilibré, jeu qui fait gentil, pas l'erreur tu vois de casser sa course au loot, ouais. Tu vois, il te laisse constamment dans le flux, et faut vraiment que tu foires ton coup pour revenir un peu en arrière, mais tu vas très rarement perdre ta progression. Il y a vraiment et surtout peu, tu peux pas non plus te tromper dans ton build, parce que du coup, même si imagine t'es parti en full corps à corps et tu te rends compte qu'en fait ben c'est pas viable ou ça colle pas à ton style de jeu, ça te plaît pas de jouer qu'un sniper, t'as envie de changer, assez facilement tu peux respect tes stats, donc c'est en gros tu peux annuler tous les points reprendre que t'as mis, tous les points que t'as pris et les redistribuer, et ça coûte en fait, je crois que c'est genre ton niveau x 100 en paiement d'or, donc tu vois, si t'es niveau 20 ça doit te coûter 2000 ou 3000, enfin vu le pognon que t'as, honnêtement c'est très facile de changer, et moi qui suis un fanatique de tester tu vois plein de trucs différents, je sais que je changeais régulièrement de stats pour voir comment bon ça choix, marchait parce que tu vois dans des jeux où on te bloque vraiment sur on peut vraiment Pass te dire Exile, ouais tu vois, te dire ah j'ose pas essayer d'autres choses, alors que là c'est ça te coûte que dalle et tu dis bah vas-y je le fais, je retente un autre truc, et encore une fois la variété, c'est de te faire jouer différemment, utiliser d'autres armes que tu n'utilisais pas, et tu vas pouvoir trouver d'autres synergies, d'autres effets boule de neige en fait, que tu dis ah, putain cette arme je l'utilisais pas du tout, mais avec cette compétence que j'ai dans l'autre truc que j'avais pas essayé, ça marche vachement mieux et je peux jouer autrement. Donc en fait ils sont très libertaires, tu vois, ils sont vraiment c'est le fun avant tout. Il y a vraiment ce truc de dire il faut que les gens s'amusent et on veut jamais trop te restreindre. On est dans l'opulence en fait, même tu vois il y a plein d'armes de partout, ça toutes les demi-heures t'en as des nouvelles. Il y a aussi un truc que je voulais dire tout à l'heure quand on parlait des armes, c'est le côté vachement lisible. C'est un jeu qui a été pensé aussi pour faire sur console, parce que c'est des gens, la console a toujours fait partie de leur ADN, et donc là ils avaient l'envie de faire comme avec Halo. Halo, ce qu'ils ont pris c'est le FPS console, et on en avait parlé dans l'épisode, ils ont fait des choix de design pour que ce soit plus digeste sur console, et là c'est pareil en fait quand on regarde les petits comparatifs, tu sais, c'est des flèches vertes qui sont bien partout, etc. Tu comprends très très vite en fait, quand tu tombes sur une nouvelle arme tu fais oui elle est mieux que celle-là et vas-y je peux jouer avec. Il y a plein de codes couleurs, tu vois, genre l'électricité ça va être en bleu, les balles incendiaires vont être en rouge. Enfin, du coup, même rapidement, alors même s'il y aurait eu, tu vois, des choses à redire sur l'accessibilité, mais si vous voyez les couleurs, entre guillemets, comme tout le monde, enfin, correctement, on va dire, c'est facile de lire, quoi. Vraiment, ça prend quelques secondes, tu peux faire des prises de décision très rapides. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est super important. Par exemple, quand ils ont fait Diablo 3, un des reproches qu'ils avaient fait en post-mortem au Diablo 2, c'était la complexité des choix. Au bout d'un moment, tu te retrouves avec deux objets comparés qui ont 15 lignes à faire et il n'y a aucune indication entre les deux pour savoir laquelle est la mieux, et c'est très difficile de savoir laquelle prendre. Tu en fait, l'idée c'est que quand t'es en train de jouer, que t'ouvres ton coffre, il faut pas que tu te dises ok, maintenant je regarde les armes et je vais passer 3 minutes, tu vois. Mais en fait, 3 minutes c'est long, concrètement, c'est infini, 3 minutes à se dire ok, alors attends, cette arme elle a ci, elle a ça, mais en fait ça. En fait, il faut que la prise de décision elle soit, faut que tu passes, allez, une quinzaine, 30 secondes, et ça y est, tu peux se dire oui, je change mon arme. T'sais, pour ou moi, pas, c'est quoi. Des moments de conception qui sont pensés comme les pit stops en Formule 1, t'sais, c'est vraiment les trucs où ils arrivent. Et ils savent qu'en quelques secondes, ils ont changé les pneus, ils ont mis le pneu, ils ont tout changé, ils ont changé un aileron. Et il faut que tout aille très très vite. Et ils essayent d'optimiser le menuing jusqu'à ce que ça devienne complètement instinctif. Et ça, ça c'est un travail qui est assez difficile, mais ça marchait plutôt bien dans Borderlands. Surtout qu'encore une fois, voilà, sur console, faire du menuing, c'est beaucoup d'autres contraintes. Hein. Tu peux pas naviguer avec une souris, etc. Tu dois penser ton menuing totalement différemment. Et quand tu joues à deux en écran splitté pendant qu'un il ouvre le menu, etc. C'est encore un autre délire. C'est vrai. Mais ça amène aussi à des dynamiques cool. On aura peut-être l'occasion de revenir sur le principe de coop, mais tu sais, t'es en train de garder une arme et t'as un pote qui va te la prendre au final, t'étais en train d'hésiter. Bon, ça crée aussi le ninja, c'est la règle. Mais il disait qu'il le laissait parce que c'était encore dans la philosophie, hein, tu vois, de ça fait partie de c'est Pandora, c'est chacun pour soi, c'est un peu l'anarchie, il y a un peu ce délire-là dans Borderlands, donc il faut quand même conserver un petit peu ce côté je te pique l'arme, ça fait etc. partie du sel, de toute façon. Exactement. Je reviens juste sur un truc que tu disais, bon, c'est un jeu qui est globalement qui te laisse très libre, il y a un petit truc. Quand même, c'est que si tu veux faire le jeu en ligne droite, tu pourras pas. En fait, il y a un moment, il faudra que tu farmes, que tu fasses des quêtes annexes, parce que là je l'ai fait, il y a pas longtemps, je l'ai fini, et je le faisais en ligne droite, parce que les quêtes annexes à base de but, 15 monstres, machin, et en fait, il y en a des biens, parce que j'ai fini, j'ai été obligé de farmer, mais tu te tapes des murs. Il y a vraiment, au bout d'un moment, tu sens que les ennemis sont quand même beaucoup plus résistants, et à un moment, vraiment, j'avais un mini-boss, enfin, je lui grattais sa barre de vie, il me one-shotait le shield. Tu le vois vite, vie, en fait, quand t'as pas l'équilibre, en plus, t'as des indicateurs, tu vois les niveaux qu'ils ont. Le combat dure beaucoup trop longtemps, t'es là, Franchement, je me fais chier pour rien. Le jeu te prévient quand même à un moment, il te le dit vraiment dans le jeu, il dit bon, t'as un niveau au-dessus de et s'il y a une petite tête de mort qui apparaît à côté du monde, c'est chaud. Tu vas en chier. Tu peux gérer les têtes de mort, mais au bout de un ou deux niveaux après la tête de mort, là, c'est juste chiant, c'est pas possible. Donc il faut partir. Surtout que dans la campagne, c'est pas quelque chose que t'as envie de faire. Ça, c'est plutôt quelque chose que tu veux atteindre en endgame, puisque du coup, il reprend aussi la structure de Diablo, qui est qu'une fois que t'as fini le jeu une première fois, tu vas le recommencer en difficulté supérieure, et à un moment donné, tu vas atteindre le level cap. Alors je sais plus combien il était, si c'est 50 ou 60, mais en fait, tu vas commencer à tomber sur des ennemis. Toi, tu vas plus gagner de niveau, mais les ennemis, eux, vont continuer d'en gagner. Donc tu vas être obligé d'aller taper dans des objets de plus en plus rares, etc. Et c'est comme ça qu'il crée en fait le endgame. Et c'est surtout aller chercher des synergies vraiment intéressantes vraiment pour bourrer les DPS, quoi. Parce que là, les ennemis, au bout d'un moment, quand ils ont 20 niveaux de plus que toi et que tu vas faire un raid ou un boss ou un machin, enfin, ça commence à être compliqué. Parce que du coup, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il a aussi une structure très proche d'un MMO. Tu vas avoir comme ça des donjons, tu vas avoir des raids. On peut jouer jusqu'à 4 en coop, qui est vraiment un des gros points forts de Borderlands. Et à la chaque fois que tu vas terminer le jeu dans une difficulté, le niveau suivant va être de plus en plus complexe, mais il va te donner aussi accès à des items de plus en plus pétés, etc. Donc si t'es accroché dans la boucle, tu vas vraiment te faire plaisir dans ce qu'on appelle le endgame dans ce genre de jeu là où tu vas vraiment, comme tu le disais, jouer avec des synergies pétées. Tu vas tirer une balle, ça va faire exploser une bombe nucléaire à l'autre côté de la pièce à chaque fois. Enfin, vraiment, moi je me souviens qu'il y avait des trucs qui étaient fous. J'ai surtout joué au 1, mais il y avait déjà des super bonnes idées, donc j'imagine que dans le 2, c'est un peu le même délire. Parce que un des trucs qui peut te motiver à faire le New Game Plus, c'est aussi de poursuivre dans ton arbre de compétences. Ouais. Parce qu'on l'a dit, ça change un peu le gameplay, les façons de jouer. Mais quand t'as fini le jeu, donc moi je l'ai fini en une petite vingtaine d'heures en gros, et je l'ai fait globalement en ligne droite avec des quêtes annexes, mais parce que j'étais obligé, donc à peu près autant en ligne droite qu'on puisse. Et je suis à peu près à la moitié de mon arbre de compétences. Il reste des trucs cool, tu vois, débloqués que j'ai pas, et que c'est vrai, moi ça me motiverait, tu vois, à continuer l'expérience juste pour avoir d'autres capacités. Il a été pris dans la dozens. Le truc, c'est que moi on me dit New Game Plus, tu vas te battre contre les mêmes ennemis plus forts et avoir la même histoire, le même truc. Je suis un peu vraiment le jeu est vraiment structuré en quête, avec le fameux point d'exclamation. Tu vas voir un personnage, il te dit va faire ça pour moi. Le level design, moi je le trouve là en y en rejoué, parce que moi je l'avais fait vraiment à l'époque de la sortie, le 2, j'avais beaucoup aussi plus joué au 1 qu'au 2, mais j'avais fait le 2, et là j'y ai rejoué. Je trouve qu'en fait c'est vachement clean, en fait, tu vois, c'est à dire qu'il y a vraiment, il y a des environnements fermés, il y a des environnements un peu plus ouverts. Les niveaux, tu vois, c'est vraiment, t'arrives dans une zone et ça va partir dans différentes directions, et il y a une quête au bout finalement de chaque direction, et parfois on va recycler un peu les zones pour te faire tuer 15 revenir scags, ou pour trouver des objets dans les des zones que t'as déjà visitées, dans les 4 scags, la base, mais voilà, je trouve que c'est vraiment propre, en fait. Tout est parfaitement fonctionnel, je trouve, pour servir, pour délivrer l'expérience de la course au loot, et vraiment avec tout le côté FPS qui marche aussi très très bien. On n'a pas parlé, tu vois, mais les feedback des armes, c'est grave propre, ça tire bien, les bruits sont bons, cool, les sensations sont propres. Tout est très bien fait, en fait. Il y a quelque chose de très satisfaisant à avoir au bout d'un moment. C'est des espèces de réactions en chaîne où justement tu vas avoir un truc corrosif qui va faire exploser les ennemis quand ils meurent. Leur corrosion va se répandre autour d'eux. Il y a beaucoup de barils qui sont mis. Voilà, plus les barils explosifs un peu partout. Enfin, le décor fait aussi partie un petit peu du délire. Et c'est ça, en fait, qui est fun. C'est-à-dire qu'on passe vraiment d'un jeu où au début tu vas tirer sur un truc et tu vides juste ton chargeur, et au bout d'un moment tu détruis des zones entières. En fait, ce qui est bien, c'est que tu vas vraiment avoir des moments où tu as des pics. Et tu trouves une nouvelle arme et tu commences à faire des dégâts un peu pétés. Ça durera pas trop longtemps, mais t'as ce plaisir là d'avoir la nouvelle arme avec la nouvelle synergie. Et là tu fais scrogneux et tu fais oh putain, ça, là je vous ai vraiment défoncé, tu vois, t'as vraiment fait le ménage. Et ça va scrogneux, c'est quand on commence à y aller, tu vois. Et après ça se recalme, parce qu'en fait les ennemis se rééquilibrent devant toi, donc tu fais plus non plus ce gros ménage que tu faisais. Et après ça y est, tu retrouves une nouvelle arme, tu refais vraiment du ménage. Et t'as vraiment cette fluctuation du plaisir et de devenir un peu overpowered de temps en temps, mais ça redescend. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien dans ce genre de jeu. Ça fait partie des trucs en termes d'équilibrage qui sont difficiles à faire, parce que ça demande en fait de jouer très longtemps pour se rendre compte de comment ça fonctionne, tu vois. C'est des jeux qui à équilibrer sont complexes, et là du coup tu vois, cette année il va y avoir Diablo 4 qui sort, il y a des gens qui ont déjà eu l'occasion de le tester, c'est bien, mais jouer un jeu comme ça sur 10 heures, c'est des jeux, malheureusement il faut jouer 50, 60, 70 heures pour commencer à se rendre compte de si ça fonctionne toujours sur la durée, quoi. Et Borderlands Borderlands, pour ça, je trouve qu'ils ont toujours eu le bon sweet spot, donc bien joué là-dessus. Quoi. Bah, surtout qu'en plus, moi je trouve que c'est un jeu, tu t'amuses très très vite, parce ouais. qu'il y a très vite des effets, des machins, enfin, ça dure pas très longtemps. Au début, le jeu, voilà, il t'introduit quelques armes, ton pouvoir, tu l'as au niveau 5, donc tu vois, ça, tu t'habitues un petit peu au truc, et ça y est, après on rentre dans le délire. Et moi je trouve qu'on s'amuse vraiment très très très vite, et surtout, et peut-être qu'on va, on va conclure un peu là-dessus, c'est qu'il y a aussi bah, l'efficacité du FPS, ce côté très instantané du gameplay du FPS, de viser, courir, sauter un peu dans tous les sens et tirer, et ce truc satisfaisant de faire un headshot qui est, bah, qui est toujours, voilà, t'as réussi à viser le bon point, et ça fait plaisir. Et finalement le mélange FPS hyper instantané et ce truc là du court terme mais aussi moyen terme et long terme du loot, bah, le mariage se fait super bien, quoi, et se fait ça fonctionne super bien dans Borderlands. Ça plus l'univers un petit peu différent, plus le co-op, bah en fait t'as une super recette, hein. En fait, ouais, t'as une vraiment, proposition qui est vraiment béton, et qui au moment où elle arrive en 2009 puis après en 2012 confirmée avec Borderlands 2, bah met plus ou moins tout le monde d'accord, quoi. Donc voilà, le succès de Borderlands 2 expliqué. Mais non, ouais, c'est ça qui est rigolo, c'est que en fait, bah, tu pouvais effectivement te dire bah ça va pas marcher parce que c'est des choses différentes, mais ça montrait aussi une certaine incompréhension de qu'est-ce qui intéresse les gens. Et là ils arrivaient vraiment avec toute la bonne checklist, tu vois. Il y avait un côté fun, un côté instantané, t'avais le gain de puissance, t'avais le FPS, t'avais la coop, t'avais le couch coop, le split screen, enfin il y avait tout ce qu'il fallait. On l'a pas mentionné, mais tu vois, ils ont aussi bien travaillé leur gestion de la communauté. Ouais. Moi c'est un truc, je me souviens à la sortie, Randy Pitchford sur son compte Twitter, parce qu'on commençait à être sur Twitter à l'époque, il donnait des clés pour les fameux coffres shift là, et tous les jours ou tous les deux jours tu pouvais rentrer des clés dans les coffres, et ça te donnait d'un coup un énorme boost de pognon, de machin, qui te permettait de relancer un petit peu de la machine si jamais t'en avais besoin, tu vois. Et puis les DLC aussi qui étaient ça commençait vraiment à se faire, hein, les DLC, oui, là, 2012, oui, on est en bien. Plein dedans, mais on était aussi en plein dans le moment où ça faisait un peu polémique. Il y avait les DLC douille, Street Fighter 4, coucou les costumes, ce genre de choses, tu vois, ouais. Mais eux, Borderlands, ils ont pas du tout fait du DLC douille, tu vois, c'était vraiment du DLC douille. On invente des mots, nous, hein, douilleable content, tu vois, ouais. Mais eux, ouais, ils proposaient quand même des extensions qui étaient appréciées, il y avait un travail sur des nouveaux personnages, etc. Et ça a toujours bien marché, et surtout, bah, en fait, on se rend compte que depuis 2009, en fait, à partir du moment où sort le premier épisode, eh ben, il y a constamment du Borderlands qui arrive, quoi. Soit c'était un nouveau jeu, genre avec le 2, mais après c'était un nouveau DLC, encore un nouveau DLC, encore un nouveau DLC, et après, bim, on sortait quoi ? Le pre-sequel, et c'est reparti, un DLC, un nouveau DLC, et il y avait un flux tendu d'arrivage de Borderlands qui a duré des années, en fait. Et je note juste les DLC, en plus, ça s'inscrit très bien dans ce côté New Game Plus, tu veux farmer de l'XP, augmenter ton perso, si t'as pas envie, si tu considères que t'as fait un petit peu le tour de Pandore, enfin, en tout cas, du jeu de base, et le DLC, c'est la bonne occasion aussi de retrouver tes potes, hein. Enfin, vraiment, faut vraiment appuyer sur le côté coop. On disait 27 millions de ventes, je pense que ça fait partie des souvenirs vraiment émus de beaucoup de gens qui jouent pas forcément énormément aux jeux vidéo, mais qui vont se rappeler qu'ils ont joué un été ou telle période de leur vie à Borderlands avec de la famille, des potes. Souviens-toi l'été mais dernier. Oui, mais c'est le genre de jeu. Non, parfois, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Qui ont eu... Bah moi, tu vois, Borderlands, typiquement, ça me rappelle vraiment. J'avais deux semaines avec mon cousin. On était chez ma grand-mère. Le premier jour, on a pris Borderlands. On a passé 15 jours chez ma grand-mère et on a joué à Borderlands. Tu vois, c'était voilà, on était en split screen. Pas sorti dehors. Hein, bah, non, effectivement, bah. On était trop bien, la grand-mère qui faisait trop bien à manger. Enfin bref, c'était la régalade incroyable du jeu vidéo et des bons petits plats de mamie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie? Je ne sais pas, pas grand-chose. Rien du tout, on est d'accord. mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Vous nous direz d'ailleurs ça dans le Discord. Mais ouais, c'est un jeu qui a fait partie de ça et qui a pu amener cette typologie d'expérience de passer du temps ensemble dans un jeu. Et encore une fois, comme tu le dis, la politique des DLC, etc., qui va se mettre sur le continu. Et... déjà du Borderlands, on l'a dit, il va en avoir pas mal, donc il va avoir le 1, le 2, la pre-sequel, il y aura le 3, et puis il y a aussi Tiny Tina, qui est sorti l'année dernière, donc c'est la version tirée d'un DLC du tout premier Borderlands, si je dis pas de bêtises. Peut-être le 2, je crois que Tiny Tina, c'est le 1 ou le 2, je sais plus, ouais. Mais en gros, voilà, ouais. C'est une espèce de Borderlands met fan, un peu plus, ouais. Quoi. Bon, c'est Diablo. Ouais, il y a un. Ah, mais du coup, c'est encore ça. Ouais, c'est un peu. Les fusils sont en bois, quoi. C'est ça, c'est des arbalètes. Je l'ai pas fait, personnellement, je m'étais arrêté avec le 3, là, que trouvais que bon, voilà, la recette, tu vois, avait pas forcément beaucoup de renouvellement, donc j'avais un peu lâché l'affaire. Bah, le 3, c'est encore, de toute façon, c'est harder, better, enfin, ce sont c'est un milliard de flingues. Je disais qu'il y avait 250 parties d'armes qui avaient été faites sur le 2, là, c'était 1700 qui disaient, donc voilà, on peut forcément monter un peu les puissances des chiffres. Le 3 qui s'est bien vendu, hein, pareil, qui a fait aussi 5 millions en 5 jours, lui, en moins d'une semaine, et puis qui est arrivé sur les 15 millions à terme, donc voilà, encore une fois, sur les années, en fait, c'est pas impossible que Borderlands 3, si on en on parle dans 3-4 ans, surtout qu'il faut se souvenir que Borderlands 3, quand il sort, il fait partie des jeux un peu polémiques parce qu'il est en exclusivité sur l'Epic Game Store et il est régulièrement offert dans l'Epic Game Store. En tout cas, il a été au moins une fois. Moi, je l'ai sur l'Epic Game Store, je l'ai pas acheté. Hein, donc, pareil. Et le 2, pareil, hein, ce que j'ai joué, ils avaient fait un bundle pre-sequel et le 2, et peut-être avec le 3, je sais plus. Non, mais c'est ça, c'est que j'ai tous ces Borderlands. Il y a 27 millions de ventes, mais en fait, le nombre de gens qui ont concrètement joué à Borderlands, tu vois, tu peux limite le doubler parce que même si tu joues en split screen, t'avais besoin d'un jeu et tu pouvais être à deux à jouer dessus. Donc, vraiment, tu vois, les chiffres des multiplications. On peut aller très très loin. J'ai senti la case mathématique qui s'est ouverte. Des millions de personnes ont joué à ce jeu. Et en plus de tous ces DLC, extensions ou les spin-offs, il y a eu en plus Tales from the Borderlands aussi chez Telltale. Et là, il y en a un nouveau là, qui New est sorti. Il est sorti déjà. Donc finalement, une licence qui s'est quand même plus ou moins. Alors, imposer le mot, il est un petit peu grand. On n'est pas non plus sur un Assassin's Creed ou un truc aussi gros. Mais ils sont là. Et encore, tu regardes les chiffres en fait. Assassin's Creed, bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait encore d'épisode sur Assassin's Creed, donc je n'ai pas les chiffres en tête. Peut-être que ça arrivera avec la saison 6, peut-être qu'il serait temps de parler d'Assassin's Creed. Nous aussi, nous allons gravir des tours. Oui. Non, mais d'un côté, vraiment impact sur la pop culture. Borderlands en cours. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que mine de rien, ça fait un petit bouton qu'il y a cette histoire de film Borderlands, tu vois, qui est un peu dans les tuyaux, machin. Bon, on verra ce que ça donne. Mais c'est pas choquant parce que c'est vraiment une série qui a réussi à marquer en fait sa petite époque. Et puis surtout, qui a donné naissance aux looters, aux shooters. Ah bah, ils ont montré que c'était possible et ça y est, ils ont ouvert les valves. Et vraiment, eux, ils ont littéralement vraiment ouvert la boîte de Pandore, c'est ce que je disais un peu dans l'épisode, mais c'est vrai, tu vois, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, ah putain, mais on peut le faire ça ? Ah bah, on va le faire. Et c'est vrai que maintenant, si tu regardes ces 10 dernières années, parce qu'encore une fois, Borderlands 2, c'est il y a 10 ans, bah voilà, le looter-shooter, c'est devenu une évidence, en fait, tu vois, dans un jeu vidéo, d'avoir des objets de couleur. Tu vois, on a parlé d'Apex Legends, enfin, le code couleur des items d'Apex Legends et la façon d'ouvrir les coffres, c'est Borderlands 2. Le Battle Royale, il y a beaucoup de ça. Bah, j'ai noté, de toute façon, quelques dates pour les plus connues, hein, mais 2013, c'est Warframe, 2014, Destiny, 2016, The Division, donc c'est un peu les trois piliers. Il y avait Alienation aussi qui est sorti en 2016, 2017 Destiny 2, je vais pas tous les faire, il y a eu un The Division 2 depuis, il y en a eu d'autres, mais c'est ça, comme tu as dit, on parlait à l'époque de Borderlands jusqu'au 2 de role-playing shooter, et maintenant c'est vraiment devenu un sous-genre, le looter shooter, pas forcément FPS, hein, The Division The Division, c'est du TPS, c'est du TPS, Warframe aussi, c'est le même, mais c'est ce que j'ai dit Destiny, mais non, Destiny là, hop, on est dans du FPS, et c'est rigolo parce que il s'inspirait comme, c'était Halo meets Diablo, et les devs de Halo, ils ont fait un looter shooter, effectivement. Non, mais c'est vrai que ça a donné, c'est pour ça quand je regardais en fait, quand j'avais fait la vidéo sur le loot, ça m'avait impressionné, je me disais, putain, ils ont vraiment créé un truc qui en fait a posteriori, tous les jeux sont fucking Borderlands en fait, mais on peut parler aussi d'Anthem aussi qui a essayé de sortir en 2019, lui il a raté la glissade, son envol, il l'a pas forcément bien pris, mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait, Borderlands, contrairement à tous ces jeux là, il a jamais vraiment embrassé le côté jeu service, c'est à dire que tous ces jeux là, eux, ils sont passés soit sur du free-to-play, soit vraiment sur ce truc live, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des rendez-vous, il y a des machins. Et en fait, Borderlands, même le 3, même Tiny Tina's, ils sont restés dans une philosophie un peu à l'ancienne, entre guillemets, c'est-à-dire, oui, il y a des DLC, mais il n'y a pas du tout ce truc de jeu-service. Et en fait, ça crée une expérience qui n'est pas pareille, tu vois. Et Borderlands n'a pas cette image, tu vois, un peu, malgré tout le loot. C'est pas du travail. Ouais, c'est ça. T'as pas l'impression qu'il y a ce truc de prédation, que le jeu est là pour te soutirer ton pognon. En te faisant revenir constamment tous les jours. Il n'y a pas ce truc de rétention, en fait. C'est ça. Sans le côté forcément soutirer ton pognon, tu vois. Même aujourd'hui, dans un Warframe, tu vas avoir une espèce de battle pass avec des missions quotidiennes. Tu vas avoir toujours, en fait, quelque chose à faire et qui t'invite à y revenir. Destiny, quand ils sortent, les raids, tu pouvais les faire qu'une fois par semaine. Mmh. Tu pouvais pas y aller quand tu voulais. The Division, il y avait des moments spécifiques où la Dark Zone, ceci, cela, etc. Donc c'est vrai que cette logique de jeu-service et vraiment penser dans le temps, là où Borderlands... Et dans le quotidien, en fait. Ouais, c'est les défis quotidiens, ouais. Tous les jours, tu viens, parce que le fait de venir, avec tu vas, saisons, tu vas récupérer facilement tel l'XP du jour. Enfin, je me souviens, quand on jouait à Apex, tu vois, que si tu fais ta game du jour, t'as fait ta game, et là, t'as vraiment un bon boost d'XP. C'est-à-dire que c'est vraiment récompensant de venir faire ta game au moins une game par jour. Et au bout d'un moment, tu sens que ça ralentit, quoi. Et encore, pas... Enfin, oui, mais tu vois, vraiment, t'es quand même vraiment récompensé à venir tous les jours, plus que de faire 5 parties sur une journée. C'est plus intéressant de faire une partie sur 5 jours. Alors là, Borderlands, c'est pas du tout ça. Borderlands, si tu veux jouer 20 heures, le jeu, il va te le donner. Oui, il va te donner tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Et ça, bah, c'est vraiment un modèle, en fait, qui tend à disparaître pendant pas mal d'années. Est-ce qu'il va revenir ? J'en sais rien, parce que de toute façon, pour l'instant, on est vraiment en plein cœur, justement, de la fin de la transformation du live game. Parce que cette histoire de game as a service, ça commence vraiment milieu des années 2010. Ouais, les jeux comme Warframe et Path of Exile font partie des ancêtres maintenant, puisqu'ils se sont lancés en 2012 et 2013. Mais à partir de Destiny, The Division, etc., tout le monde se met à en faire. Là, PlayStation, ils ont annoncé, coucou, on est en train d'en développer 10. Mm-hmm. Donc, on est vraiment dans une logique de pêche à la ligne. C'est-à-dire que tu jettes 10 jeux dans la fosse au lion. Il y en aura un qui va marcher et qui va payer pour tous les autres, et les autres on va les kill, on va leur mettre une balle dans la nuque assez vite. Et Overwatch 2 a pris ce modèle aussi. Avant c'était un modèle premium avec quand même des lootbox, mais qui était très secondaire. Là, alors il est gratuit, tu peux y jouer gratuitement, mais il y a vraiment un côté passe de combat. C'est mieux de l'acheter si tu veux avoir les persos vraiment le plus tôt possible quand il y a les saisons. Enfin bref, ça fout un peu d'ailleurs et le bordel. Bon, tout a changé. Enfin, c'est ça qui est rigolo, c'est que tu te dis en 10 ans là, tu vois Borderlands 2 avec son modèle classique, et tu vois aujourd'hui Fortnite, tu regardes comment ça fonctionne et comment, tu sais, il y a cette fameuse vidéo là qui était super intéressante sur la fabrique de discontent, la fabrique de frustration générée par la façon dont fonctionne la boutique de Fortnite, que je vous invite à regarder, elle est en anglais mais elle est sous-titrée en français, et tu te dis, bah oui, en fait on a vraiment poussé ce délire très très loin, et en fait c'est toute la partie négative de Diablo, c'est-à-dire qu'on a, au lieu d'en garder l'essence, le côté pur fun, on a juste pris tout ça pour jouer sur la frustration et la petite crispation de pas avoir ta petite XP quotidienne, ton petit machin, tu vas avoir de l'endurance, tu faut que revenir dans une semaine, si tu fais 600 trucs aujourd'hui, tu auras un peu d'XP pour débloquer un battle pass, et tu vois, c'est ça qui est important à dire, c'est qu'en fait le loot, etc., tu vois, en soi c'est tout dépend ce que t'en fais, quoi. Tout dépend ce que t'en fais et quel rapport tu crées avec ça, comment tu le distribues, comment tu le donnes, comment tu l'empêches d'être comment on empêche les gens d'y accéder, et c'est ça en fait qui a créé le jeu service et qui crée des méthodes un peu plus de prédation, et que Borderlands n'est pas du tout là-dedans. Et en fait, pourquoi on s'est demandé, mais pourquoi eux ils ont pas pris le virage du jeu service? Et en fait, c'est quand on a vu les chiffres de Borderlands 2 qui se vendent tous les ans en 3 millions, en fait, tu dis, bah. T'as pas envie de toucher à ça. Bah, quoi. C'est ça, fait, tu dis, pourquoi on se prendrait la tête alors qu'en fait, nos jeux ils arrivent à nous générer en fait des revenus sur la durée sans qu'on ait besoin de les entretenir comme des jeux live en mettant une équipe, etc. Et en fait, bah. Ce qui coûte au passage extrêmement cher. Et bien sûr, parce que du coup, ça demande du pognon fou. Pognon, ouais, c'est ça. T'as un burn rate, donc la quantité d'argent que tu vas brûler chaque mois en ressources humaines, etc. Jeu, c'est énorme. Et à tout moment, ça peut s'arrêter. Donc c'est un pari très très risqué, le live game. C'est le virage qui est pris par la plupart des studios, là, depuis un petit bout de temps. Bah, parce qu'il y a un gros cash prize si tu gagnes à la fin. Oui, c'est vraiment, il y a le côté si ça marche. Alors là, c'est Fortnite, tu vois, c'est l'objectif de devenir le nouveau Fortnite ou le nouveau même Warframe. Frame ou Path of Exile, qui sont des jeux qui ramassent du blé énormément depuis leur sortie en 10 ans. Mais bah, du coup, Borderlands 2 et Borderlands, de manière générale, arrivent encore à montrer qu'on peut faire sans ça. Ils arrivent à capitaliser en fait, sur ce qui est déjà sorti, sur leur longévité. Et je pense que c'est un bon modèle. C'est-à-dire que je me dis, ben, tu vois, le fait que ça fonctionne encore, j'espère que ça va rester comme ça. Parce que tu vois, si Borderlands nous met des lootbox et des machins, plus jamais j'y joue. Parce que du coup, maintenant, ce système-là, va y avoir forcément à un moment donné une espèce de lassitude, je pense, auprès du grand public. Ça va finir par arriver d'ici quelques années, où tu sais que tu lances ton jeu et tu sais que tu dois y revenir et tu dois devoir jouer, et qu'au bout d'un moment, en fait, t'as atteint, tu vois, les jeux genre Genshin Impact, Lost Ark sont très très forts pour ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as fini le contenu et après tu joues, mais tu ne gagnes plus rien. C'est-à-dire qu'il faut que t'attendes une semaine, tu vas revenir et là tu vas regagner des choses à nouveau, mais le gameplay en lui-même n'est plus la récompense. Et ça, Borderlands, c'est quelque chose qu'ils ont gardé. Et c'est ça en fait la grosse nuance entre les jeux service où la récompense est plutôt dans la rétention et dans le truc, ou des jeux comme Borderlands qui sont récompensants pour leur core gameplay, quoi. Après, ça pose la question du temps, parce que le contrat tacite jusque-là, c'est qu'en général, c'est des jeux gratuits qui vont avoir ces mécaniques où tu vas y revenir, où tu vas devoir, voilà, faire des objectifs quotidiens, ou tu vas payer pas très cher un Game Pass. en général c'est 10-20 balles, hein, donc beaucoup moins cher qu'un jeu full price, et donc ça vise plutôt des publics, on va dire, jeunes. Mais le truc, c'est que bah, le trajet classique de quand tu arrives dans la vie professionnelle, c'est soit t'arrêtes de jouer aux jeux vidéo, soit t'as moins de temps, et les gens qui ont moins de temps vont avoir moins envie, en fait, et vont avoir plus d'argent, tu vois, ça va être plus attirant pour eux, je pense, de leur dire, bah tu payes, on va dire, environ 40 balles, entre 40 et 60, mais c'est bon, en 20 heures, t'as fini, t'as fait ce que t'as à faire, tu peux jouer avec tes potes. Et puis même aussi, c'est parfois momentanément, c'est pas, tu vas être en vacances pendant 2 semaines, et tu dis, bah ça y est, j'ai du temps pour moi, là, vas-y, je veux jouer, je veux kiffer, je veux faire ma semaine de geek, et en fait, je veux pas qu'on me dise, bah maintenant, c'est, en fait, tu vas kiffer, mais sur un an, c'est, là, tu joues Borderlands, tu peux poncer ton jeu, enfin, tu vois, les gens qui ont posé des congés pour jouer Elden Ring, c'est ça, tu vois, c'est, oh, je vais vraiment me lancer dans le jeu, je vais bouffer mon truc, et après, c'est bon, en fait, je peux passer à autre chose, et alors que sur un jeu live, ce contrat, il est pas possible. Pour moi, on est dans des jeux où tu travailles. C'est vraiment, c'est comme ça que je le vois, tu vois, il y a une espèce de boulot. Très négatif vis-à-vis de tout ça. Tu vois, je joue à certains jeux, bah, je joue énormément à PoE, j'ai beaucoup joué à Warframe, et etc. Tu as une relation clairement de contrat de travail, tu n'aimes pas ton employeur. Ouais, j'aime pas du tout ma boîte, hein, ça, clairement pas, mais c'est ça, tu vois, j'ai essayé de me lancer dans d'autres jeux, mais en fait, rapidement, je vois cette logique de, bah, je vais devoir y revenir, tu vois, et ma copine, elle joue beaucoup à Deep Rock Galactic, qui est un jeu ultra populaire en ce moment, et qui reprend tous les codes classiques, on joue des nains, là, dans des mines, qui boivent des bières et qui tirent sur des aliens. Et en fait, tu le sens, au bout d'un moment, il y a cette espèce de répétition où tu vas devoir revenir et tout. Donc le jeu est super cool, il est très joli, il est très bien pensé, très bien designé. Mais à un moment donné, moi j'ai cette barrière de, ben ça veut dire qu'il faut que je m'investisse, ça veut dire qu'il faut que je rajoute ce jeu, tu vois, à ton espèce de charge mentale quotidienne, je dois penser à faire les courses, chercher les enfants et gagner mes missions quotidiennes. Enfin, tu vois, c'est, il y a cette logique-là qui finit par me saouler et surtout qui risque d'être complexe parce que, ben au bout d'un moment, en fait, les gens n'ont plus de place. Tu vois, c'est un marché qui très vite est saturé, le marché des live games. Donc moi personnellement, je pense que c'est très casse-gueule que des gens comme PlayStation, etc., ils essayent d'en faire. On verra ce que ça donne dans la durée, mais il y a des chances que ça se plante encore, qu'on ait encore des anthèmes. On en a quelques-uns sous pied. Oui, et on n'en a pas trop parlé, mais Gearbox, c'est les spécialistes aussi, parce qu'ils ont eu deux gros accidents industriels avec Alien Colonial Marines et Duke Nukem Forever, mais ils avaient sorti ce jeu, souvenez-vous, qui s'appelait Battleborn, qui était en pleine période du hero shooter où tout le monde voulait sortir son Overwatch-like. Il est sorti à un ou deux mois d'intervalle d'Overwatch, qui avait déjà une bêta, machin, qui était déjà après, qui était là. Qui était déjà, en plus super populaire, il a vraiment cartonné au tout début. Et Battleborn, c'était devenu un mème, parce que du coup, chaque semaine, il se vendait de moins en moins cher, et à la fin, c'était t'acheter une frite au McDo et on te donnait deux jeux, quoi. Mais en face de ça, c'est compliqué, parce que t'as les grands gagnants, on l'a dit, à Fortnite, ou les Call of Warzone, tu vois, les choses comme ça. Donc, C'est le grand Battle Royale des jeux services, où vraiment, il y en a énormément qui vont se lancer dedans, il y en a qui arrivent à perdurer, et en fait, c'est qu'on oublie tous ceux qui sont plus là. En fait, tu vois, The Division, on y pense encore parce que ça vit encore, tu vois. Fortnite, évidemment, ça vit encore, mais après il y en a plein d'autres qui ont été kill, qui ont été abandonnés. C'est pour ça, de toute façon, en général, la bonne position à avoir quand tu veux prédire le futur, c'est de dire tout ça va plus ou moins cohabiter. Il y a effectivement des effets de mode, des effets de tendance, et qui peuvent grossir ou diminuer des bulles, mais des vrais éclatements de bulles, t'en as rarement. C'est juste, ça va, il y aura toujours des jeux services en 10 ans, il y aura toujours des jeux solo dans 10 ans. Oui, c'est juste que les modèles vont évoluer. Voilà, il y a des investissements qui vont passer de l'un à l'autre, plus ou moins. Il y aura toujours des jeux indés, peut-être qu'on investira plus dedans à un moment, peut-être qu'on investira moins, tu vois. C'est comme ça, il va y avoir des gens qui seront laissés sur le bord de la route, fatalement. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a des boîtes qui vont tenter de passer de l'un ou de l'autre, et ça va être soit une réussite, soit un casse-gueule. Et c'est ça qui est plus intéressant à analyser, en fait, se dire, bah, ok, quel choix ils ont fait pour tel jeu, et bah, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Fin du Game. Et c'est vrai que Borderlands, en fait, c'est un shooter-looter qui est un peu unique, par ce rapport justement au loot qui n'est pas dans le Il n'y a pas vraiment d'autres jeux qui font la même chose. J'en connais pas trop d'autres des tu vois, avec cette expérience vraiment pure Diablo-like, etc., il y en a pas tant que ça qui vont dans le même délire, quoi. Et c'est pas pour rien, du coup, j'imagine, que ça continue à zone. En fait, si t'aimes bien Borderlands, tu peux dire, bah ouais, je peux acheter. Enfin, le 2, en fait, est encore pertinent aujourd'hui. Et si t'as bien aimé le 2, tu te dis, bah, je sais pas, dans un an, je pourrais me prendre le 3, je pourrais vraiment bouffer mon truc Borderlands, et j'aurai ce qu'il faut. T'as les DLC et that's it, quoi. A priori, j'imagine que Diablo 4, il sera premium. Diablo 4 va passer en mode live service. Enfin, tu vois, c'était le virage qu'ils avaient complètement foiré. Non, pas du tout. Tu vas devoir payer. Mais là, par exemple, si tu précommandes Diablo, tu peux. Il y a déjà le Battle Pass intégré, machin, bidule. Enfin, on sait que ça va passer sur du live service, et c'est une évidence. C'est-à-dire que j'en parlais dans mon bouquin, je me jette une fleur, mais j'en parlais il y a quelques années, mais parce que c'était d'une évidence même. C'est-à-dire qu'en 2012, quand Diablo 3 sort, ils ont complètement foiré leur modèle économique avec l'AH, enfin, l'hôtel des ventes en argent réel, qui était une merde sans nom, et du coup, ça a tout gâché. Et ils avaient rien d'autre comme ressources. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, il y a une solution qui est très simple. C'est du full cosmétique. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas besoin de vendre des items aux gens, t'as juste à leur vendre des petits chapeaux colorés. Ouais, bah, Team Fortress 2, je suis très content qu'on termine l'analyse là-dessus. Alors juste peut-être pour rappeler, c'est que Gearbox, là en 2021, ça a été racheté par Embracer, hein, donc le groupe qui rachète globalement tout, donc voilà. Et sachant que Gearbox, en 2016, s'est lancé aussi dans le publishing, et ça c'est pas pour rien, encore une fois Borderlands a quand même amené quelques petites palettes de thunes, c'est comme chez Walter White, comme ça il y a des garages qui sont remplis d'argent, c'est ok, bah il faut qu'on s'en serve, et donc ils ont fait pas mal de publishing, notamment sur des jeux indés. On peut citer quelques jeux qui ont ils ont repris pas mal de studios, c'est assez intéressant parce qu'ils ont eu, alors ils ont lancé des jeux comme n'importe quel publisher en mode on les soutient depuis le début, et là ils sont en train un peu de racheter entre guillemets des licences, parce que tu vois ils ont repris le studio donc Oppo Games qui est les studios derrière Risk of Rain, maintenant c'est du Gearbox. Il y a Have a Nice Death, là un petit roguelike, ils vont sortir Blanc bientôt, là un petit jeu indé tout mignon, etc. Ça c'est français, hein, Have a Nice Death et Blanc, hein, deux jeux indés français qui arrivent. Ils avaient toujours la licence des Homeworld, ça c'est les jeux stratégie dans l'espace, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Ils ont repris Astroneer aussi, qui est un super jeu indé, tu vois, survie, craft, machin, la boucle classique mais dans l'espace. Bref, ils ont vraiment une bonne politique entre guillemets de publishing. Je sais pas dans le détail si c'est intéressant pour les devs ou quoi, mais le fait qu'il y ait de plus en plus de studios qui ont l'air de se tourner vers eux, je me dis bah peut-être que justement ils ont des conditions intéressantes, et eux ça leur permet de continuer de vivre, parce que forcément ils prennent de l'argent sur toutes ces ventes de jeux, et comme le seul jeu qu'ils ont jamais vendu c'est Borderlands, parce que finalement à part Borderlands ils ont pas grand chose d'autre comme source de revenus, bah ça leur permet de se diversifier et de pouvoir se maintenir, et peut-être de développer un Borderlands 4, j'imagine. Hein, on ne prend pas de gros risques en disant qu'il y aura un nouveau Borderlands d'ici quelques années. On imagine que c'est dans les tuyaux, effectivement. Eh bien écoutez, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur ce Borderlands 2. Voilà, on avait choisi le 2 parce que c'est à la fois celui qui a vraiment confirmé le succès de la série, mais comme vous l'avez vu, on s'est un peu étendu à la fois sur le premier et les derniers. Et comme j'ai dit, moi je l'ai fait là pour l'épisode parce que j'avais joué au 1 avec quelqu'un et on n'avait pas accroché plus que ça, et là j'ai fait le 2 solo pour le coup, donc j'ai pas eu l'expérience ultime abondante, mais j'ai bien kiffé, franchement c'était cool, donc voilà et bien kiffé de la part de Maxime, c'est un gros label pesant, parce qu'il y a le label c'est ouf de est-ce que c'est intéressant et il y a le label franchement ça c'est pas mal, c'est de pas Maxime mal. C'est un 7 coups de cœur, 98 Metacritic direct. Très bien, merci de nous avoir écoutés. On remercie encore une fois notre sponsor, le PlayStation Plus. On rappelle que là, juste le 17 janvier, arrive une nouvelle salve de jeux sur le PlayStation Plus Extra, et qu'il y a notamment DMC5. Voilà, si je dois en recommander un seul de toute cette petite sélection, voilà, c'est vrai que DMC5, je suis en train de jouer à Bayonetta 3 là en ce moment, et c'est vrai que je me disais DMC5, c'était quand même pas mal aussi. Hein, c'était bien. C'était quand même vraiment bien cette histoire. Donc merci au PS Plus de nous soutenir, et puis n'oubliez pas qu'il y a dans la description le petit lien pour le Patreon. On se retrouve dans 2 semaines pour parler de quoi. Je n'ai absolument pas le planning sur les yeux, donc je ne sais pas. Je crois que c'est Dead Cells ou c'est... C'est Dead Cells, effectivement. On se retrouvera pour parler du jeu de la Motion Twin. On va pouvoir revenir un peu sur ce studio français, voilà, aussi sur son histoire. Rendez-vous dans 2 semaines. Merci de nous avoir écoutés. Salut. Ciao. Ciao.